Tell him what to wish you made of. Hard style and I know nothing else. So cut your spills, I don't know what I mean. You talk too much, they want to make you fail. What I control, but my mind's okay. My love is sick, cause I don't know where to hide. This is all from my veins, sing on top my skin. Cause I spend too much time to hide. You talk too much. Too much. You are radio. I feel busy cause my love sucks. I spread the war and wait for your anger to grow. I wish I could run your life if you get in my way. I'll kill you. Don't spend your time, don't spend your money. You get bullshit and say the peace of the lies. Can't buy silence for money. You keep on trying, you can't touch me. Too much. You are radio. You talk too much. You are radio. Oh boy. This is all from a fence. See not the mind kid. This is all from a fence. See not the mind skin. I got a lot of scoop inside of me. I will go to Jesse Christ to end me. My love is dumb, hey, cause I knew way too much. And my love is things they want to tell me about. This is all for my friends. See not the my skin. This is all for my friends. See not the my skin. Fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Ses rivages, aux luttes d'une cigarette, le rubis du vin en tête. Elles te laisseront plus mise à nu. Solitude à perte de vue. intraveineuse kérosène fait frémir l'intérieur de tes artères. Et si tu serres les fesses, c'est le curé qui convainc. Pas tant à perdre du temps, t'as pas le temps. Concentration maximum. Pédale collée au plancher, rien ne peut t'arrêter. L'audit fait une embardée. Putain de vol plané, tu vas t'écraser. Les hommes en bleu hurlent et condamnent. Lâche ton arme. Les hommes en blanc s'occupent de mon âme. Pour moi c'est mort, tout mon corps saigne. Ce soir ce sera ma dernière livraison. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, le vendredi soir à partir de 19h, vous avez l'habitude déjà depuis 14 ans, c'est, vous savez que vous allez passer une bonne soirée puisque c'est l'émission Eureka qui commence. On est ensemble pour 3h, hein. On a déjà écouté pas mal de musique, je vais vous présenter d'ailleurs tous les morceaux qu'on a écoutés jusqu'à présent. Alors on avait commencé par un groupe qui est venu il y a quelques années, qui a sorti un nouvel album il n'y a pas très longtemps, et qui était en studio donc, et on diffuse depuis quelques semaines leur titre. Il s'agit du groupe Twister Cover, avec un morceau qui s'appelle Falling Rain. Juste après, c'était un groupe, il n'est pas d'ici, hein, une fois n'est pas coutume. C'est un groupe australien qui était en concert il n'y a pas très longtemps avec le groupe Yeti. C'était il y a une semaine et quelques. C'est The Clover Heart. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Avec un morceau qui s'appelle No Time to False Friend. Donc ils étaient de passage sur Orléans et puis on souhaite que ce groupe continue sa tournée avec le même élan et avec la même force qu'ils avaient lors du concert à Orléans. Voilà, juste après justement c'était le groupe Yeti avec You Talk Too Much. Voilà, à la radio on a tendance à parler des fois un peu trop et des fois pas assez, hein. Il y a certaines émissions, il y a pas du tout de personnes qui parlent. Nous dans l'émission Eureka, on est un peu partagé. Des fois on parle beaucoup, des fois on parle beaucoup moins. Justement, après on a écouté aussi une artiste qui était là dans nos studios. Elle est déjà venue à deux reprises. Et puis là dernièrement, on va prendre un petit rendez-vous pour qu'elle revienne nous présenter son nouveau single. Alors vous pouvez aller retrouver justement son clip. À chaque fois, c'est à chaque fois qu'elle sort un nouveau single, il y a toujours un très beau clip qui est fait. Elle s'investit beaucoup aussi dans l'image de l'artiste. Il s'agit de Elsia. Garcia. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle De cœur à cœur. Et à l'instant, on vient d'écouter aussi un morceau d'un groupe qui va pas tarder à venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est le groupe Dérapade. Ils sortent de studio, ils ont sorti pas mal de bons morceaux. Alors, depuis quelques temps, je vous passe le morceau qu'on a écouté tout à l'heure qui s'appelle Transporteur. Je vais pouvoir vous annoncer aussi qu'ils vont pas tarder à être dans nos studios. Alors, depuis le 2 février, tiens, parce que j'ai ma liste, depuis le 2 février, on a reçu Tranchac à l'Express, on a reçu Twangy and Tom Trio, on a reçu Will and Guys, les Elixir de Uncle Bikers, Doren Lowe, Drive to Amnesia. La semaine prochaine, nous recevrons Chaparville. C'est pas la suivante, puisqu'après, il y aura quelques jours de congé. Donc, on reprend au 19 avril, il y aura Dérapade. Le 26 avril, il y aura Jache. Le 3 mai, il y aura Alex Debaille. Le 17 mai, le groupe Lajari. Le 24 mai, le groupe BRS Band. Et voilà donc le groupe Dérapade qui sera avec nous le 19 avril dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. En attendant, aujourd'hui, c'est l'émission numéro 588. Et comme d'habitude, nous recevons des artistes dans le studio. Alors, on va tout découvrir de leur univers. Il s'agit du groupe. Alors, moi, je sais pas si je le prononce bien. Enfin, on va leur poser la question après. C'est le groupe Sonic Lag. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika. What people say, my life is wrong. groupe Prisma. Il était venu au début de l'année 2024. C'était au mois de janvier. Hein. Le groupe Prisma nous présentait leur album qui s'appelle Way of Life. Et on vient d'écouter le titre qui porte exactement le même nom. Dans l'émission Maverick, on a l'habitude aussi de commencer l'émission avec le groupe qui était passé la semaine d'avant. Donc la semaine dernière, nous avions ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le groupe Drive to Amnesia. On écoute ce morceau-là et puis après on se retrouve avec les Sonic Lag en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On écoute tout de suite Drive to Amnesia, Eye to Eye. Drive to Amnesia avec lequel nous avons passé la soirée du vendredi dernier ensemble, avec lequel on a passé un très bon moment d'ailleurs. Hein. 3 heures, ça passe vraiment trop vite, hein, c'est ce qu'ils avaient marqué sur leur petite fiche à la fin de cette émission. Ce soir nous avons 3 heures pour un petit peu moins, parce qu'on a déjà commencé l'émission, pour découvrir le groupe Sonic Lag. Donc ils sont là dans les studios, c'est l'émission numéro 588. Et ce qu'on va faire, on va commencer à discuter avec eux pour justement découvrir tout leur univers. Bonsoir les Sonic Lag. Eh bien bonsoir, c'est bonsoir. Bien dit. Sonic Lag, c'est bien. C'est bien, c'est comme ça que ça se dit. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'avec le O avec un tréma. Tréma. On pourra en parler parce que c'est des petits clins d'œil à beaucoup de choses en fait. D'accord. Donc voilà, c'est des petits clins d'œil parce que ça fait un peu pays du Nord, je sais ouais, pas. C'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis c'est le tréma qu'il y a sur Motorhead, par exemple. Ouais, aussi, ouais, ouais tout ouais. à fait. Et puis c'est aussi sur le groupe, un des premiers groupes de Titi qui était. Toxique qui avait ce tréma. D'accord, très bien. Donc c'est voilà. C'est des petits clins d'œil. C'est des petits clins d'œil et puis voilà, c'est des petits souvenirs, des petites choses qui restent, des petites cicatrices. C'est ça. Oh, c'est cicatrices. Cicatrices, oui, je dis cicatrices. Non, des bons souvenirs. Des bons ouais. souvenirs, voilà. C'est comme un tatouage, quoi. On tatoue quelque chose pour le garder des bons souvenirs. Ouais, je leur ai un paquet de tatouages aussi. Très bien. Donc le groupe Sonic Lag. Donc je réussis à le dire, hein, au fur et à mesure, ça va venir de mieux en mieux. Au début, c'était un petit peu compliqué. Mais justement, le groupe existe depuis combien de temps? 7 mois. Ouais, fin août. Ouais, ça, fin août. Enfin, ouais. Ouais, ouais. Enfin, toi, t'es arrivé. Je suis arrivé fin août, ouais. Je suis le dernier arrivé. Ouais. Le petit dernier, c'est Alex, le bassiste. D'accord. Ben, on va présenter justement tous les membres. Alors déjà, la voix qu'on a entendue, c'est une voix qui est déjà venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui, avec un autre groupe qui s'appelait les Goodbye Watson. C'est ça. Le groupe qui n'existe plus aujourd'hui. Qui non. Voilà. C'est un trio avec Bébert et puis Tonton Bruno. Bien sympathique, hein, parce que en plus vous avez participé aussi à un Maverick Alive. C'est ça. Voilà, ça on avait participé. Je sais plus quel. C'est en 2019, je crois. On va essayer de retrouver. Ouais, ça doit être en 2019. Donc ça fait un paquet de temps. Et depuis, on n'en a pas fait beaucoup parce qu'il y a eu le Covid, etc. C'est ça. On en a fait un le 10 juin. Et le prochain, ça sera le 16 novembre. Donc voilà, d'accord. On a encore un petit peu le temps de préparer. Ouais, parce que effectivement, on n'a pas voulu s'engager juste après le Covid. Ouais. Et comme il faut un an pour réserver la salle, donc c'est un petit peu compliqué. Mais enfin, on va quand même en faire un cette année. Puis on va essayer de voir si on peut relancer justement les Maverick Alive pour pouvoir faire jouer ouais. des... C'était bien, ouais, c'est un show de nouveau. Voilà. Et la salle est belle, enfin, c'est toujours dans la même salle, j'imagine. Ouais, c'est toujours dans la même salle, hein. C'est ouais. la salle de l'espace Bérère, donc c'est un bel endroit, et puis nous, ce qu'on veut, c'est de partager des bons moments avec des groupes, et leur faire partager une belle scène, parce que c'est, franchement, c'est une très belle scène. Voilà. On parlait des membres du groupe. On est libre au mois de novembre. D'accord. Bah justement, il y a déjà plusieurs groupes, il va falloir qu'on choisisse. Hein. Ah ouais, la dernière fois qu'on avait posé la question, on avait eu 40 groupes qui s'étaient proposés. Ah ouais, et il a fallu en choisir 3. Donc c'est pour ça, des Maverick Alive, il faudrait qu'on en fasse un peu plus souvent. Dis-moi leur nom, moi je vais aller les voir. Mais je vais être brutal. mais là, on a déjà plusieurs personnes qui se sont présentées. Ouais, donc normal, on va marquer et puis on va voter, hein, parce que c'est une association. Donc c'est pas moi qui décide. Hein, c'est toute une assemblée. Et si c'est pas pour cette fois-ci, ça sera pour celle d'après. Hein, on va voir. En tout cas, nous, on est content de voir les artistes. Alors, on peut y aller aussi pour interpréter les morceaux, mais on aime bien aussi qu'il y ait des artistes qui viennent en tant que spectateurs pour voir aussi le travail des autres. Hein. Voilà, c'est un échange, c'est un lieu d'encontre et tout ça. C'est avec l'esprit de Maverika, tout simplement. La rencontre, passer un bon moment avec les gens, écouter de la bonne musique. Voilà, c'est. Ouais, je me souviens, il y avait eu des expos. Ouais, des exposants aussi. Même temps. Parce que comme on a une très grande salle et puis on n'a pas, c'est une salle de 500 personnes. Hein, c'est ça. Et on n'a pas 500 personnes, donc ce qu'on fait, on partage un petit peu la salle et on permet à des exposants de venir aussi nous présenter des choses. Quoi. Ça peut être des bijoux, ça peut être un rapport avec la musique, ça peut être des artistes, des peintres, des photographes. Etc. Quoi. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. Nous, on aime bien justement la rencontre. Alors, dans l'émission Maverika, c'est difficile de faire des émissions avec des peintres, même si on aime bien. Avec des photographes, c'est un peu compliqué de décrire les choses. Ouais. Mais par contre, pour la musique, c'est la place où il faut être. Donc, les meilleurs artistes de la région et d'ailleurs viennent dans l'émission Maverika. Ça, il faut quand même le dire. Ça fait un paquet de groupes que tu. Ah ouais, ça commence à faire. Hein. On est à 588 émissions. Il faut savoir que chaque émission, il n'y avait pas toujours un artiste différent. Et puis, il y en a qui sont venus plusieurs fois. Il y a aussi des groupes qui ont disparu. Il y en a d'autres qui se sont formés. Mais ça fait un paquet de personnes que j'ai fait rentrer dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, effectivement. Clair, ouais. et ils font tous partie de la Mavericas Family, et je suis content de les retrouver des fois à des concerts, ou alors dans d'autres formations. Et ils sont venus avec une formation, on les retrouve dans une autre, tiens, ça me rappelle quelqu'un. Ça. Donc on va rentrer dans les détails, le groupe Sonic Lag, voilà, je l'ai dit de mieux en mieux, hein, vous avez remarqué. Ouais. Il faut que tu penses aussi au jet lag, tu sais, quand tu prends l'avion et tout ça, jet lag, c'est ça, c'est décalage horaire. Et là, Sonic Lag, c'est un peu décalage sonique, quoi. D'accord, bah, comme ça, j'allais poser la question, pourquoi avoir choisi ce nom-là, maintenant que tu nous l'as expliqué, impeccable. Donc on va revenir aux membres. Alors toi, Christian, tu es venu donc avec Goodbye Watson, cette fois-ci tu viens avec ton nouveau groupe. Voilà. C'est pas le mien, c'est notre groupe. C'est votre groupe, hein. Moi je dis ça parce que je te connaissais avant et puis maintenant. Mais les autres, je vais les découvrir aussi, hein. Ouais. Donc toujours à la guitare et au chant. Voilà. Donc, autrement. Ouais. C'est plus électroacoustique la guitare, c'est plus New Yorker. Maintenant, c'est SG, quoi. Voilà. D'accord. Et puis on est à Quatuor, donc c'est plus. C'est vrai que Goodbye Watson, c'est un trio. On est plus dans rockabilly, folk, enfin dans tout ça. Voilà. Donc on s'écoutera un petit Goodbye Watson quand même pour se faire plaisir tout à l'heure. Oh, comme tu veux. Ouais, on va essayer de passer quand même des choses variées. On va passer déjà vos morceaux, hein, en priorité. Et puis aussi passer quelques souvenirs parce qu'on a un petit peu de matière. Voilà. Oui. Donc je te laisse me présenter les autres membres du groupe. Ils vont se présenter eux-mêmes. Hein. On fait dans l'ordre, de droite à gauche, de gauche à droite. Allez, de gauche à droite. Titi. Alors Titi, salut, moi c'est, en fait c'est Thierry, hein, tout le monde, ma maman y compris m'appelle Titi. Je joue de la batterie dans Sonic Lag avec mes copains de Sonic Lag. J'ai joué dans plein de groupes depuis bien des années. On parlait de Toxic tout à l'heure, c'était les années 80, donc depuis les formations et... Ah, les années 80, t'étais déjà né, toi. Il fait jeune. Ouais, je pensais pas, c'est pour ça. Et puis, la radio, on peut dire ce qu'on veut, c'est ça qui est bien, c'est formidable. Mais je fais jeune. Et puis, les années ont passé, et puis j'ai rencontré Mathieu, qui va se présenter derrière moi, et avec qui on a monté, on a joué dans plusieurs formations, notamment Matt Kinky avec Christian. Et puis Christian est parti vers d'autres aventures. C'était il y a 10 ans. Voilà, une dizaine d'années. Et puis Christian est parti vers une autre aventure. Et nous, on a continué. À l'époque, donc Mathieu était à la basse. Et aujourd'hui, il nous envoie des riffs. Et je lui passe la parole. Moi c'est Mathieu. Je suis à la guitare. En fait, la formation de ce groupe-là m'a permis de réaliser mon rêve de devenir guitariste. Ça faisait plus de peut-être 20 ans que j'étais bassiste. 20 ans en comptant la période adolescente dans la chambre. Et puis là, il y a l'occasion qui s'est présentée, c'est de devenir de l'instrument de mes rêves, la guitare. Quoi, d'accord. L'instrument le plus cool. Alors toi, t'étais un guitariste dans l'âme, mais t'étais bassiste par défaut alors. J'ai vraiment aimé la basse, vraiment amoureux de la basse à fond la caisse, mais il y a un moment donné où il y a un naturel, il y a un truc qui est sorti. Ouais, d'accord. Maintenant, tu vas faire ce que t'as envie de faire, et puis voilà, ce groupe me permet de faire ça, quoi. C'est vraiment. C'est enivrant un peu des fois comme sensation. D'accord, donc finalement tu es porté par cette envie et puis il y a une demande à ce moment-là et hop, t'es présenté et hop. Ça match. Ça s'est fait très très naturellement. Voilà, on s'est rencontrés avec Titi, on se connaît depuis depuis 12 ans, hein, je dirais. Toi Christian, on se connaît depuis une dizaine d'années, quoi. Puis on s'est revus. Puis Alex, à la basse, là, qu'on se connaissait pas du tout, et l'occasion a fait qu'on s'est rencontrés. Puis on se marre bien, quoi. Et juste avant, il jouait, je sais pas si tu connaissais Sig Animo. Je tenais la basse dans Sig Animo. D'accord. Un groupe de Blois qui mélange musique, on va dire gitane, pays de l'Est, Turquie aussi avec le punk rock. Mais qui envoie. Ouais, bon, un bon mélange, quoi, en tout cas. Ça en va pas mal. Très bien, ben voilà, comme ça on a présenté un petit peu le groupe, on sait d'où vous venez. Donc il manque le dernier, le bassiste, qui n'a pas encore parlé. Voilà. La base de tout. De toute façon, il joue avec quatre cordes. C'est... Ouais. C'est... En plus, elles sont très graves. Voilà. Et donc, moi je connais Christian depuis peut-être 7-8 ans. Ça va être c'est ça, ouais. En fait, on s'est rencontrés une fête de la musique. Ouais. On partageait la même scène à Blois et moi j'étais avec mon groupe de l'époque à The Red Line. Lancé ou Non, c'était à Blois. À Blois, ouais. D'accord. Ouais. Et donc vous jouiez avec Magnity. Ah oui, exact. Voilà. C'était avec Magnity au départ. Et depuis, on se croise. Après, Christian avait son projet dans les bars. Et on a fait plusieurs dates ensemble. Ouais. Avec un groupe qui s'appelait Above the Red Line, voilà. D'accord. plein de noms comme ça. Ah c'est oui. Vrai qu'on connaît bien les groupes d'Orléans, mais là je découvre des noms et pourtant je m'y intéresse depuis déjà 14 ans aux groupes de la région et tout ça. Mais il y a toujours des noms j'ai entendu parler ou alors pas du tout des fois. Et voilà, mais qui n'existe plus, mais qu'il est bien de citer dans l'émission parce que comme ça fait partie de l'histoire du rock'n'roll. Ouais, puis ça fait partie de notre histoire aussi puisqu'on était déjà trois. Dans Magnity, ils sont venus me chercher et puis moi je leur ai proposé le petit dernier, le barbu. Tu m'as appelé, j'étais en vacances, tu m'as demandé un nouveau projet. En plus, ça faisait 2 ans que j'avais plus vraiment de projets musicaux. Ça me démangeait et ça tombait pile poil. Christian m'appelle, je fais écoute, on se voit la semaine prochaine, je reviens. Et le vendredi soir, il était là. Voilà. Et nickel. Ça accroche. Ça accroche pas mal même. Ouais. Yes. Voilà, très bien. Voilà, donc maintenant on connaît un petit peu l'histoire, on connaît les différents membres du groupe. Alors le groupe, il fait quoi comme style de musique? Comment vous classez? À chaque fois, c'est délicat, parce qu'on tape un petit peu partout. Mais enfin, gros son, on aime bien déjà. Ouais, on mélange quand même plein de styles différents, je pense à... je pense à Titi qui est autant influencé par les Dead Kennedys, le punk rock des années 80 et tout la vague néo-metal des années 2000 et puis puis même des choses qui sont complètement différentes encore. Chantal Goya, il est Turner. Chantal c'est Goya, on a quand même plutôt une bonne basse punk un peu quand même. Ouais, peu, quand même, ouais. Bien punk rock quand même. Punk rock, ouais. Ouais. Il y a un côté un peu cowboy parfois dans notre musique, un peu bluesy, vénère quand même, un peu countryisant. C'est ça. Voilà. Un peu métallisant aussi des fois. Métallisant dans les cocottes guitare et dans les gros sons, les gros riffs. Il y a plein de trucs qui sont mélangés. En fait, on n'est pas hyper. On se catégorise pas. Enfin, on est. Voilà. On fait ce qui nous vient. Voilà. On a un genre de ska. D'accord. Très bien. Donc vous mélangez un peu vous avez des influences différentes déjà. Enfin, chacun, ouais. Chacun. Puis nous, ça fait un bout de temps. Vous voulez en citer quelques-unes des influences? Des influences. Ouais. Titi, ils sont influencés par quoi? Justement, ouais, Dead Kennedys, comme disait. Voilà. C'est tout à fait ce qu'a dit Matt tout à l'heure. Hein, le punk rock des années, de ces années-là, Dead Kennedys, Stevie Tuffinger, 999, toute cette vague de punk rock de ma jeunesse. et puis c'est vrai que cette dernière décennie, c'est plutôt le punk rock américain, Sum 41, les Green Day, cette vague-là sur laquelle j'accroche bien, ouais. Très bien. Ouais. Moi, ça va plus être. Je suis un gros fan de Led Zeppelin. Mm-hmm. Après, et puis d'un autre groupe qui s'appelle The Ardents, un groupe australien. Mm-hmm. C'est vraiment mon groupe fétiche. D'accord. Voilà. Qui après, plein de trucs. Le rock anglais des années 60, le punk rock des années 80 aussi. Certains trucs de grindcore, de death metal ou des choses comme ça. Plein de trucs, très variés. La musique, c'est... Voilà. Très bien. Et toi, Alex? Et toi, Alex? J'écoute un peu de tout, quoi. J'ai pas de style privilégié de musique. Bon, il y a certains trucs, genre La Machina, j'écoute pas vraiment. Mais je veux écouter pas mal de techno, d'électro, qui n'ont rien à savoir. D'accord. Assez large, j'aime bien le peu. Mais c'est bien, tant mieux. Je veux un peu de toutes ces influences. Voilà. Par exemple, comme tu dis, on est parti sur un ska, sur un morceau. C'est ce qui On n'était pas du tout pas là-dessus, et puis on s'est amusé avec Thierry. Il y avait une sorte de petite pause dans la répète, quoi. Et puis en déconnant, on est parti là-dessus, voilà. Et puis voilà, ça a fait un morceau. C'était cool. On en fera peut-être bien un deuxième d'ailleurs. Ouais, pourquoi pas. On en parle. Voilà. Moi, les influences, c'est pareil. Moi, j'en ai un peu partout. Hein. J'ai tapé un peu partout. Moi, c'est comme je suis l'ancien. Mais c'est vrai que ça va du... Mes premières écoutes, c'était aussi... ça va de David Bowie, en passant après par Clash, effectivement Led Zeppelin aussi. Enfin, c'était ma tendre jeunesse. Et puis, est arrivé à un moment, il y a eu les Ramones, pour moi, en 76. Et là, ça m'a été ma baffe, pour moi. Tu joues trois accords, même si tu sais pas très bien jouer, et ben tu peux jouer quand même. Ouais, c'était un peu ça, et puis voilà. Et puis après, bon, c'est vrai que c'est fait du rockabilly, enfin j'en ai fait pas mal, puisque j'ai joué de la contrebasse, enfin voilà quoi, c'est plein d'influences, puis tout ce qui arrive effectivement, mais moi c'est pareil, j'ai écouté aussi du dub, ou j'ai traîné un petit peu avec des lascars qui se faisaient de la techno au tout début, et puis enfin voilà, mais on se nourrit de tout ça, et puis enfin voilà. Oui, et puis après, même si on fait un style de musique, par exemple, il y a des gens qui font vraiment un style particulier, ça les empêche pas qu'ils écoutent aussi d'autres choses. Ouais, et puis tant mieux. Ça peut être très bien. Bon, après, il y a le contraire, il y a des gars qui sont. Ouais. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage de se limiter. Parce que moi, je trouve que des musiques, il en faut plusieurs, parce que il y a des fois, j'ai envie d'écouter quelque chose de plus calme, des fois, j'ai envie d'écouter quelque chose qui a la pêche, ça dépend des humeurs. Donc, si avec une seule musique, au bout d'un moment, on s'ennuierait. Moi, j'ai aussi tendance à me dire, voilà, j'aime bien le rock, donc je regarde souvent le rock. Au bout d'un moment, je me dis, ouais, mais le rock, tout ce qui est rock n'est pas forcément bon. Et tout ce qui est. Et il y a des choses qui sont bonnes qui ne l'en sont pas. Et voilà, donc ce qu'il faut, c'est un peu écouter à droite, à gauche et garder le meilleur de chaque film. Il faut qu'on en profite parce que bientôt, ça sera que les chœurs de l'armée rouge. Donc. On n'en est pas encore là. En métal, ça pourrait être sympa. En métal. Les chœurs de l'armée rouge en métal. Ouais. Voilà. Pourquoi pas faire un truc avec eux, à la limite. Si c'est que musical, encore ça peut aller, mais bon, après, malheureusement, il y a d'autres choses derrière. Ouais, très bien, ben, je propose qu'on écoute un premier morceau. Ouais. Alors, premier morceau que j'ai calé s'appelle Moneybox. Yes. C'est celui que j'ai passé la semaine dernière, donc il était déjà sur le lecteur, comme ça. Non? La semaine dernière. Si, c'est ça, ouais. Si, il me semble. C'est le dernier que je t'ai envoyé d'ailleurs. Oui, ouais, parce c'est que. Ça, ouais, c'est ça. C'est un de nos derniers aussi, hein. Ouais. Moneybox. Ouais. Oh, il est frais celui-là. Ouais. Vous voulez en parler avant ou après? De ce morceau-là. Comme tu veux, enfin, j'en sais rien. Mais c'est vrai que, en fait, bah, nos morceaux, ils évoluent. Ça fait 7 mois qu'on est ensemble, mais à chaque fois, on évolue dans les morceaux. Enfin, Matt, il bosse pas mal chez lui, donc il va ramener des riffs, il va ramener des trucs. Moi, j'amène aussi une base. Après, ça se retravaille, les arrangements. Il y a un morceau aussi d'Alex. Il amène la basse, et puis après, on travaille autour de ça. Voilà. Donc les morceaux sont pas encore figés pour ou alors ils presque figés, mais il y en a certains qui sont, je pense qu'ils seront comme ça. Et puis ce sont des textes. Puis au bout d'un moment, il faut savoir se poser une limite. Je pense c'est bien. Au bout d'un moment, le morceau est fait, on n'y revient pas. C'est un confort pour nous aussi. Parce que bah, des fois, l'improvisation, par exemple, c'est difficile, changer les choses comme ça, voilà, au dernier moment. Donc c'est bien quand c'est figé aussi. Ouais. Après, là, on a les 2-3 derniers, ils sont pas finis. D'accord. On a encore nos petits. Donc ça évolue et tout ça. On en parlera peut-être un truc plus tard, mais comment on bosse. Ouais. Même au niveau des répètes, enfin au niveau de tout ça. Très bien, bah, on est là pour ça, on est là pour connaître tout de votre univers et savoir comment vous travaillez et comment fonctionne le groupe. Ouais, il faut pas nous brancher parce que c'est vrai que pas nous, on n'est pas bavard. Non, pas trop bavard. Ce que je disais tout à l'heure, à propos des Yeti, You Talk Too Much, c'est vrai que des fois dans l'émission Mavrika, on part pour parler un quart d'heure et puis finalement, ça fait une heure qu'on est en train de discuter, on va peut-être envoyer un peu de musique. Parce que les gens lâchent. Radio, c'est pour ça, il faut. Ça, on l'a déjà dit. Des fois, vous parlez beaucoup et puis. Les gens, si ça les intéresse pas, ils lâchent quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'on envoie un petit peu de musique aussi de temps en temps. On va le faire tout de suite. Et donc, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite et puis, juste après, on se retrouve à nouveau pour discuter parce que, quand même, le but, c'est de connaître tout sur votre univers. Voilà, vous êtes dans l'émission Mavrikas sur Radio Arc-en-Ciel et on est ensemble jusqu'à 22h. In your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes. Oh, so dark, I see. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maureka et tous les vendredis soirs nous recevons des invités. Aujourd'hui c'est l'édition numéro 588 et nous recevons le groupe Sonic Lag. Ils sont ici dans les studios et puis on va les retrouver tout de suite parce qu'on a plein de choses à apprendre de ce groupe qui est récent. Voilà, donc nous avons les quatre membres qui sont là, il y a Christian, Titi, Matt et Alex et ils vont nous parler justement du morceau qu'on a écouté juste avant qui s'appelle Money Box et juste après on a d'abord écouté Sonic Lag avec Money Box et juste après, même si la voix c'était la même, c'est pas le même groupe, c'est Goodbye Watson avec In Your Eyes. C'est ça, et à la guitare avec François Pedro qui fait partie de Mean Circle qui est déjà venu aussi ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est ça, et c'est lui qui nous a posé une petite guitare sur l'enregistrement en fait. Très bien, c'est bien de le rappeler, c'est vrai que tu me l'avais dit et j'avais complètement oublié, et maintenant ça me revient, ouais, tout à fait. C'est nous au départ on était un trio, et puis là c'est un morceau qui nécessitait de remplir un petit peu, enfin voilà. Mm-hmm. Et on a joué au moins 2-3 fois avec lui sur scène, on avait fait le Château d'eau, on avait été chez Belle, on avait fait pas mal de choses quoi. Très bien. Et pour parler enregistrement, justement c'est ce qu'on disait, là, le morceau de Sonic Lag au début, et de, enfin qu'on a joué, et tous nos morceaux sont enregistrés do it yourself, hein, c'est-à-dire que c'est... On a pris dans le garage, on joue dans un garage, et enfin voilà, c'est Titi qui s'occupe de tout ça. Bah, on va rentrer dans les détails. Alors, déjà, vous répétez dans un garage, alors c'est ça. C'est vous répétez tous les combien Toutes les semaines. Ouais. Combien 2 heures, 4 heures Tous les vendredis soirs. Ouais, 3-4 heures. Ouais. Bah, disons, c'est en gros, c'est de 19h à 23h30. Ouais, avec à peu près 2 heures de pause, parce qu'on aime bien les pauses aussi. On aime bien les pauses. Bonne pause. C'est important, les pauses aussi. Bah oui, ouais. Parce que si on s'acharne de trop, au bout d'un moment, on fait plus attention. Non, puis si c'est ce qui crée aussi le lien. C'est vrai que moi, j'ai vu des répètes, des fois, on arrive, on branche, on joue, on repart. On s'est à peine souri pendant la répète, tout ça. Alors que nous, on aime bien parler, quoi, puis déconner, puis boire des bières. Ah oui, ah oui. Mais c'est vrai que c'est important de la convivialité, de vivre ensemble, d'être potes, quoi. Parce que les groupes qui durent le plus longtemps, c'est ceux-là, justement, parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est ça, puis pouvoir se dire les choses, quoi, sur certains morceaux, ce qu'on apporte et tout ça. Ouais, là, c'est vrai qu'on avait un des derniers morceaux, c'était un peu guimauve. Ah ouais, puis, pas fastoche à mettre en place. Hein. Voilà, ouais. Notre dernier morceau, on se l'est dit, quoi. C'est vrai qu'après, même le chant était guimauve, la guitare. La guitare, tout était guimauve. Voilà, c'était un truc. À part la batterie, bien entendu. La basse était irréprochable, la batterie, mais c'est ça. Le reste, guitare-chant, c'était un peu moins maintenant. Mais on l'a pas encore trouvé, hein, celui-là. Il y a du boulot. Hein, la maison, là, j'ai bossé un truc. Là. Non, mais des fois, il y a des bonnes idées comme ça, mais vous n'arrivez pas à concrétiser. Il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe pas. Et un jour, il peut y avoir un déclic, et puis ce morceau-là, il prend beaucoup plus de valeur à vos yeux. Ouais. Tout simplement parce que, on a trouvé un petit truc, là, ça passe beaucoup mieux. Et puis finalement, mais il y a comme ça des morceaux qui sont encore dans votre tiroir que vous êtes en train de travailler ou en train d'essayer de tourner dans tous les sens pour essayer de les rendre mieux. Donc oui. Là, on a, en 7 mois, on a 13-14 morceaux. Oui. Ah ouais. Ouais, ouais. Bien bossé quand même. Ouais, on bosse, ça paraît pas, mais on bosse quand même. Ah oui, oui, oui. On bosse pas mal. Et puis, ça le fait. Donc on bosse dans un garage, on bosse au casque, en fait. D'accord. Parce que Titi, dans le garage, il a une batterie électro, tu peux en parler d'ailleurs, c'est un beau modèle. Oui, c'est un beau jouet, Il aime bien se faire plaisir, et les batteries. Ouais, ce qu'on entend justement, c'est enregistré à la maison. Hein. C'est des enregistrements live, donc il n'y a pas de re-re ou de remix, c'est ce qu'on fait à l'instant T. D'accord. Donc après, c'est un peu éclairci en termes d'écho, des reverbs, quelques effets. Vous enregistrez piste par piste quand même, non? Non, c'est carrément c'est direct. C'est vrai, live. D'accord. Tout est pris d'un coup. Nous, ce qu'on propose, c'est du live, c'est ce qu'on fera sur scène, c'est ce qu'on fera devant le public. Donc, d'accord. Il n'y a pas de. On triche pas. Ce que tu entends là, c'est ce qu'on fait. À l'ancienne. Il faut savoir que beaucoup de morceaux qui sont des standards aujourd'hui ont été enregistrés comme ça dans les années 60-70, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on essaie de peaufiner. Mais est-ce que finalement ça vaut la peine? Je sais pas. Oui, ça apporte des choses. Mais est-ce que finalement l'essence même du morceau, elle est pas déjà là dans le live, quoi? C'est vrai. Mais après, c'est le fait des re-re et le fait de faire piste à piste, ça, à mon avis, à mon sens, à mon oreille, ça enlève une part d'énergie. Ouais. Mais là, on est dans l'énergie. Dans la spontanéité. Et, ouais, spontanéité. Non, parce que ce qui aurait pu être fait aussi, c'est enregistrer dans ces conditions-là, c'est-à-dire vous jouez tous ensemble, mais récupérer le son de chaque instrument différemment et le remixer après derrière, ça se fait aussi. Mais bon, vous, non, c'est carrément direct et puis c'est bon. Voilà, c'est. Voilà. Bon, après, il y a le matériel aujourd'hui qui aide énormément en termes de qualité de son. Ah oui, tout à fait. Oui. Enfin, pour avoir progressé au fur et à mesure des années et de l'évolution du matériel, aujourd'hui on sort quand même une musique qui à mon oreille sonne. Et il suffit maintenant que les musiciens, que nous, on trouve la symbiose entre nous et l'énergie. Ouais. Très bien. Et une fois de temps en temps, donc on répète aussi, au moins une fois par mois, on essaie de répéter vraiment. Dans un studio, quoi. Nous, on joue à Pôle Nord, on va voir l'effet que ça donne d'avoir les amplis, les amplis dedans. Enfin, voilà. Parce que là, on est au casque, c'est vrai que des fois, on est un petit peu on est les uns à côté des autres quand t'es au casque et tout ça. Alors que quand t'as l'ampli qui sonne dans une pièce, voilà, c'est autre chose. Moi, par expérience, je sais qu'il y en a un que ça perturbe plus que les autres, c'est le bassiste. Non? T'es perturbé, toi? Jouer au casque. Enfin, jouer au casque? Ouais. Ah, non. Parce que la basse, souvent, les bassistes, ils la ressentent. Ils la ressentent parce qu'ils ont l'ampli derrière. Quand ils sont au casque, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ils disent, on n'entend pas la basse. Ils disent, si, on l'entend, la basse. Sauf que vous avez l'habitude de la ressentir et là, vous la ressentez pas. Et quand on travaille au casque comme ça, souvent, c'est eux qui sont perturbés. J'ai remarqué ça par expérience au fur et à mesure. Ça va dépendre. Moi, à l'époque, quand j'étais bassiste, j'adorais jouer au casque parce que le son est limite parfait. Confiné, propre, c'est compressé, joli. C'est vrai que les graves, ça, cette particularité, ça résonne dans des pièces. Des fois, c'est carrément insupportable. Puis on arrive à s'entendre parce qu'on peut régler le niveau, par exemple, des guitares. Ça, c'est super. Du coup, voilà, c'est super. Chacun peut régler sa piste indépendamment. C'est grâce à Titi qu'on a tout ça, les émulations d'ampli. On passe par des émulations spéciales qui permettent d'avoir des sons de Marshall, Les sons d'ampli vintage ou à lampe ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de possibilités. Ouais. Quand même un bon son. En vrai son, Matt, il joue avec un Marshall. Ouais. Qui arrache bien. Ouais, qui arrache. Oui, un peu même. Enfin voilà, et moi je joue avec un Black Star, D'accord. De corps, enfin voilà, donc ça sonne aussi. Et puis... Alors moi tout le monde s'en fout parce que les batteurs ils parlent rarement de batterie. Moi j'ai la bonne batterie aussi. Une superbe Gretsch, D'accord. C'était l'objet de mes rêves et j'ai réussi à me l'offrir. D'accord. Et ça sonne aussi. Ah oui. Oh, il y a juste Alex, je sais pas, tu joues toi? je joue sur ce qu'on me donne. Je me branche un peu. Non mais, de toute façon, tout ce qu'on lui donne, il est doué avec. Alors de toute façon, le truc, ça va. Ça c'est pareil, les bassistes, moi je vois par exemple quand il y a un concert, quand on fait les Mavericks à live, les bassistes souvent ils se satisfont de... Il y en a un qui emmène l'ampli, tous les autres se le partagent, il n'y a pas de problème. Les guitaristes c'est plus compliqué, ils ont le son de... mais il y a l'ampli aussi qui amène le son, etc. Donc c'est quelque chose d'un peu plus particulier. Mais même Titi sur sa batterie, il a du mal aussi à jouer sur une autre batterie je pense aussi. Mais bon, après, des fois aussi, dans les concerts, on partage une batterie parce que c'est beaucoup plus simple les interscènes. Souvent, on change les cymbales, les choses comme ça, mais finalement, la batterie, on essaie de garder la même pour que tout le monde puisse jouer. Alors, la problématique est la même que Mathieu, c'est que je suis gaucher. Inverser. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des batteurs gauchers. Et en un quart d'heure, on a changé tout, on le remettait, et ça permettait de le faire quand même. Parce que justement, on avait essayé de mettre un certain ordre, on dit mais il y a un problème, c'est qu'il y a un gaucher au milieu. Ah, oh mince, mais si, on va le faire, et on l'a fait, ça marche très bien. Donc il y a des particularités comme ça, mais il faut s'adapter. Très bien. Et puis on parlait tout à l'heure de technologie. Effectivement, il y a quelques... Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand les groupes, ils avaient déjà un multipiste à cassette, ils étaient contents. Ils enregistraient qu'une seule fois. Et puis, c'est réécouté, mais c'était déjà bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la possibilité qu'on a grâce aux ordinateurs et tout ça. Ouais. Et puis... pour avoir une qualité comme ça, dans les années 70, quand on écoute par exemple les Pink Floyd, qui avaient un son super peaufiné, ils avaient des consoles qui valaient le prix de plusieurs voitures, et qui aujourd'hui, c'est un petit peu obsolète, c'est la technologie ancienne, qui pesait un poids de tous les diables, qui bon, avec les avantages de l'analogique et les inconvénients, hein, parce que il y a pas de bonne chose, mauvaise chose. Hein. L'analogique, je suis sûr quand même les jeunes, il y a des trucs qu'ils aiment dans l'analogique. Il y a les choses qu'on préfère dans le numérique. Chaque chose a son avantage. Enfin, la cassette, je crois que moi je l'ai connue. Je regrette pas tant que ça. Ah, oh, j'en ai un paquet de cassettes. C'est vrai que les rembobinages. Oh là là là. On a volé. Pour moi, j'avais un carton plein. Ouais, pour avoir 300-400 cassettes. Puis quand on enregistrait des choses que, ouais, qui sont nulle part, quoi. On les a en cassette. Ouais. Comme j'ai fait la radio, j'étais à Radio Val de Loire pendant 5 ans. Et ben, j'en profitais pour enregistrer. À l'époque, c'était les cassettes, quoi. Donc, je faisais toute la discothèque de Radio Val de Loire. Je l'avais sur des cassettes avec un disque par face. Quand je me suis dit, oh, ça va me servir. Et ça a servi certainement à quelqu'un d'autre parce que je les ai plus. Donc, c'est vrai qu'à une époque, la seule chose où on pouvait enregistrer, c'est-à-dire qu'on avait les disques vinyles et on avait la seule chose où on pouvait s'enregistrer, c'était la cassette. C'est ou ça. Alors les bandes, mais c'était déjà après nous à la radio, on avait les bandes, on faisait des montages privilégiés et tout ça. Ouais, montages et tout ça, c'était rigolo. Moi, j'ai connu ici Radio Arc-en-Ciel, on n'était pas dans ce studio là, on était au Faubourg Bannier et il y avait deux magnétophones, je tirais la masse. C'est ça. Et il y en avait un qui tournait. Et puis quand il arrivait au bout, bah il lançait le deuxième tournait, le premier rembobinait, et ça faisait 8 heures chacun, je crois. Donc on passait les nuits comme ça. C'est ça, c'est ce qu'on faisait aussi. Radio Valoir, puis après on faisait les montages, on avait notre petit truc de montage, on découpait, on mettait les scotch pour faire dire ce qu'on voulait, pour faire des coupures dans les textes ou dans la musique. Ah oui, vous montiez comme ça, ouais. Ah ouais, bah c'était grand, hein, Radio Valoir, c'était un gros truc. Hein, Très bien. Bah voilà, quand on parle de ça aux jeunes. Ouais, c'est une autre époque et tout ça. Alors des fois on est un peu nostalgique, mais des fois on se dit aujourd'hui c'est nostalgie, ouais, c'est du souvenir, c'est bien. Et on arrivait à faire des belles choses quand même avec des moyens qui étaient beaucoup plus limités qu'aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui on a quand même plus de facilité à faire du bon son. Et puis je me souviens, les vinyles, il fallait les entretenir, les cassettes c'est pareil, il fallait pas les laisser trop à l'humidité, trop à côté d'une enceinte parce qu'ils s'effaçaient, etc. Aujourd'hui le son, ben on l'a. Il bouge plus. Avant, on avait une cassette. Au bout de 2-3-4 ans, on l'avait perdu un peu. Hein. On avait les disques. Ben, ils craquaient beaucoup plus. Au bout d'un moment. Moi, je suis très vinyle encore. Je suis resté très vinyle. Hein. C'est pas mal. Ouais, il y a ce côté-là, ouais, qui. On n'écoute pas de la même manière. On n'écoute pas de la même manière. Le vinyle, c'est physique. Enfin, il y a un truc qui se passe, même dans les pochettes. C'est la grosse pochette, parce qu'avant, les CD, c'est t'as une petite pochette. Il faut presque prendre une loupe pour regarder les gars. Voilà. Et oui, et puis à l'époque ça se méritait, hein. On avait le vinyle, on écoutait un truc à la radio, déjà il n'y avait pas beaucoup d'émissions sur le rock et tout ça, donc on arrivait à, ah tiens, un titre, on allait chez le disquaire, on le commandait, on le recevait 15 jours après, on allait le chercher, on était fiers qu'on l'avait, on le posait sur la platine et oh là là, ça y est, enfin je vais pouvoir l'écouter, aujourd'hui on écoute un truc à la radio, hop, on sait déjà le titre, on le télécharge, on l'a déjà, direct, et on l'écoute, voilà, on l'a pas... avant on mettait du temps à l'avoir, aujourd'hui on l'a aussitôt, on consomme aussitôt et puis on balance, hein, voilà, il y a plus de... Je me souviens, gamin, j'écoutais Bernard Lenoir, Francis Zégut, et ça, c'était des grosses émissions. Grosses émissions sur les radios périphériques, il n'y avait pas autre chose. C'était les radios périphériques, quoi. Ouais, ouais. Après, tout à fait. Effectivement, 80-82, c'était le début des radios. C'était déjà un grand pas. Hein. C'était un grand pas. Il y avait des émissions spécialisées, des radios spécialisées. Ouais, et puis aujourd'hui, par exemple, si on veut écouter du ska, on peut aller sur une radio, on n'écoute que du ska. On veut de la techno, on n'écoute que de la techno. Ouais. À l'époque, non, il y avait une radio où ils ont passé de tout, et il y avait quelques créneaux où il y avait des animateurs qui présentaient certains artistes et on les écoutait. C'était thématique. Très bien. Les bavards. Ouais, c'est vrai, ça part vite. Ça me rappelle, il n'y a pas très longtemps, il y avait eu Don Edlo qui devait venir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais malheureusement, il n'a pas pu venir. Donc, on l'a eu au téléphone, on dit, écoute, on va faire une petite intervention d'un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, et puis comme ça, même s'il ne peut pas venir, on va quand même parler de ton groupe, etc. Et puis, tu viendras une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Et finalement, on est resté une heure au téléphone à faire une émission. Donc, c'est vrai qu'on est bavard, mais en même temps, on a des choses à dire, donc c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir donner la parole aux artistes, et nous dans l'émission Mavrika c'est quand même le but, hein, donc c'est le plus important. On écoute un deuxième morceau du groupe Sonic Lag. Voilà. C'est pas évident, hein, c'est vrai que ça demande une certaine gymnastique. Enfin bon, non, ça va. C'est bon, ouais, si tu le dis, ouais. Sonic Lag. Sonic Parce que des fois j'ai tendance à dire Sonic Lag. C'est un C, Sonic. Oui. Ouais. Ouais, Sonic Clag. Ouais, Sonic. Ouais, ouais, voilà. Bon, bon non, tu rattaches tout, Sonic Clag. Ça voilà. Fait. Sonic Clag. C'est ça. Donc, le prochain morceau qu'on va écouter, c'est le fameux morceau de Ska. Ouais. qu'on avait parlé tout à l'heure, on ouais. avait dit qu'il y avait un morceau qui... Mais celui-là, je crois que je t'ai jamais envoyé. Non, celui-là, non, on va le découvrir en direct live. Ouais. C'est ça. En tout cas, moi, dans l'émission Maverick, en tout cas. Enfin, le... Ska, c'est... Ouais, Ska, punk, Ska rock, c'est... Voilà. Hein. Très bien, on, voilà. On va, moi je vais le découvrir et puis voilà, je vais voir. Voilà. Donc ça s'appelle comment déjà? Please touch me. Please touch me. Ouais. Très bien, d'accord, ok. Ah, c'est des paroles. C'est une invitation, voilà. Quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que voilà, tu prends moi comme un chien. Enfin, c'est bizarre. Ah, ouais. Ah bah, c'est des paroles des fois. Ouais, enfin voilà. Quoi. C'est rock and roll. Voilà. C'est ça. Please touch me, Sonic Lag. Yes, you can. I'm the sound of the world. personne. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et tous les vendredis nous recevons des artistes dans nos studios. Ce soir c'est Sonic Lag, voilà. Je le dis bien parce qu'on me l'a dit au téléphone, dit ouais, pourtant c'est pas compliqué. Donc c'est notre ami Christophe du groupe Prisma qui nous a appelé là pendant le qu'on écoutait de la bonne musique sur Radio Arc-en-Ciel et qui nous disait c'est pourtant pas difficile à dire Sonic Lag. Faut penser au Sonic, le son, et à la bière. Malheureusement. Voilà, donc très bien. C'est très rock'n'roll en même temps. Très bien, donc on vient d'écouter deux morceaux à la suite. Alors le premier, c'était le groupe Sonic Lag, avec un morceau qui s'appelle... Touch Me. Ouais, c'est bien ska quand même. Hein. C'est ouais, le rythme. Oui, c'est... un morceau qui envoie bien, donc il y a le côté rock et tout ça. Et puis on a écouté un deuxième morceau, qu'est-ce qu'il nous le présente? Titi. Alors donc c'était un morceau donc de Spile Color, c'est un morceau qu'on jouait avec Mathieu, donc à ce moment-là il jouait de la basse, et puis avec deux autres musiciens, notamment Chicole, guitariste de Kidnap qui tenait la guitare. Et un chanteur de l'époque, Thomas. Voilà, c'est la période avant qu'on attaque Sonic Lag. Très bien, et le morceau il s'appelle Scary Song. Voilà, très bien, donc on a encore plein de choses à faire découvrir, et c'est vrai que c'est bien de nous parler aussi de groupes, parce que nous on s'intéresse aux groupes de la région, de même Blois, c'est juste à côté, il y a énormément de groupes qui viennent de Blois, on a la chance d'avoir aussi pas mal de groupes qui viennent même de Paris, hein, ils font assez souvent le voyage, et puis souvent on est orienté sur la région, mais si des groupes australiens ou américains veulent venir, il n'y a pas de souci, Fighters, tout ça, il n'y a pas de problème, on les recevra avec beaucoup de plaisir, en tout cas. Je te donnerai le numéro de téléphone si tu veux. Voilà. C'est un bon pote, Dave Grohl. Ouais, c'est Dave Grohl. Dave, je l'ai eu la dernière fois là-haut. C'est moi qui lui ai appris à jouer de la batterie. D'accord. Au départ, dès le début. Il se débrouille bien, maintenant. Ouais, il se débrouille. Hein, plus à la guitare, mais il se débrouille partout, ce mec-là. Mais... Très bien. Donc je pense à lui, mais ça peut être si vous avez un groupe, vous êtes un petit peu loin. Alors il faut savoir qu'on a reçu des artistes qui viennent des fois de assez loin. Hein. On en a eu déjà qui sont venus de Belgique. On a interviewé aussi. Ils sont venus à deux reprises. Hein. C'était les Question Mark. On a aussi fait une interview, je me souviens, avec un groupe de Valladolid par téléphone, donc en espagnol, comme j'ai pu. Pour le mieux. On avait aussi reçu Max. Qui était de Giovanni, qui était venu de la région de Biarritz. On a Hervé Aderoff qui vient régulièrement de la région de Brest. Voilà, donc vous pouvez venir à partir du moment où vous passez dans la région. S'il y a un concert, un truc comme ça, bah, il suffit de s'inscrire et puis on se cale une date et puis on vient dans les studios et on passe un bon moment à discuter de musique qui est notre passion sur Radio Arc-en-Ciel. Yes. Voilà. Très bien. On parlait tout à l'heure de comment vous travaillez. Alors comment vous composez vos morceaux? Comment ça vient? Comment un morceau naît? Parce que les morceaux que vous interprétez, c'est toutes des créations. Oui, sauf une. Sauf une. On a une reprise. D'accord. Ouais. Ok. Un petit Johnny Cash. Enfin, c'est pas Johnny Cash, mais... C'est pas Johnny Cash? Non, Ring of Fire. Alors, il l'a interprété en 62, mais au départ... Ah oui, oui. Au départ, c'est Judy Carter, c'est sa femme qui l'a composé. D'accord. Avec Mel Kilgore. Et c'est elle qui l'a interprété aussi en premier. Ring of Fire. Et nous, on s'en fait une version... Sonic Lag. Ouais, plus... Les trompettes sont remplacées par la guitare quand même. C'est ça, ouais. De trompettes. Bah, tu sais pas s'il était programmé, tu l'avais mis On l'a. On fera. Ouais. Bon, le reste, c'est des compos. C'est des compos, en tout cas, le reste. Le reste, c'est des compos. Ouais. Mais alors, c'est même, c'est des anciennes compos, c'est même des morceaux qu'on a joué avec McNitty. Mm. Au départ, on est un peu parti là-dessus. Il y en a quelques-unes, hein. 3, 4, 5. Ouais, ouais. Des morceaux de. Parce que, au départ, bah, fallait partir sur quelque chose, et c'est vrai que. Matt, toi, tu disais, bah tiens, on pourrait reprendre ça. Ouais, parce que les morceaux étaient quand même vachement efficaces. Ouais. Déjà dans McNitty, là, on les a rendus un peu plus, encore plus efficaces, sans certaines fioritures qu'on faisait pas avant. Ouais. Qui les rend plus rock'n'roll. Ouais. Ouais. Tu rentres dedans. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas différent. Pareil. C'est différent. Mais la mélodie, les textes restent les mêmes. Parce qu'on arrive à reconnaître ouais. hein, quand même. Hein. Ouais. Comme le He Thought, c'est toujours, c'est toujours le même. Parce que pareil. Oui. Ouais, à oui. quelque chose près, c'est pas ce que même morceau. Ouais. Oh oui, au niveau de la structure, en tout cas, il a pas changé, Et ça, c'est des morceaux, même quand j'ai joué avec McNitty, c'était déjà des morceaux que je jouais avec d'autres groupes avant. C'est-à-dire que moi, je les transpose à chaque fois. Ouais, on va pas se fatiguer quand même, sans déconner. Maintenant, je commence plus, un peu plus à recomposer, à écrire des textes et tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, c'est des morceaux qui me suivent partout, quoi. Ah bah ouais, mais il faut garder des bons morceaux, hein, justement. Ouais, ouais. Il y a pas très longtemps, il y avait, Jack F. des Uncle Biker qui reprennent des morceaux qui avaient été interprétés à l'origine par les Stingers, mais c'est la même personne qui les interprète, ça fait partie de son héritage aussi, et donc ça continue à faire vivre des morceaux, même si c'est des nouveaux interprètes. Ils vivent autrement, c'est-à-dire il y a d'autres arrangements, il y a d'autres, ça, et des fois pas sur le même tempo, pas sur, enfin voilà, et c'est, non, voilà. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de reprises, c'est aussi un truc qu'on s'était dit au départ, qu'on voulait pas faire trop de reprises. Oui. Enfin, voilà, c'est, ouais, c'est pas un choix. Vous avez votre style à vous, vous avez envie d'interpréter vos morceaux. Mais même les reprises, si on en fait, ce sera dans notre style aussi. Bah oui. C'est, enfin voilà, c'est, et puis on y joue comme ça, on va pas les reprendre. Puis je trouve que ça te sert tellement à rien de prendre les reprises comme les feux, enfin bon. Ouais, et puis le côté éclat de la compo, c'est vachement grisant de composer ses propres morceaux, ses propres lignes de batterie. Alors c'est super d'apprendre parce que ça permet de ça apporte des choses aussi d'apprendre la musique des autres. Mais après c'est super de jouer sur son truc. C'est, Ouais. Wow, j'ai fait ce morceau, j'ai trouvé une idée qui va être géniale sur le couplet. Je m'ennuie un peu quoi. C'est vrai qu'il y a des gars qui jouent hyper bien, c'est des doués de la guitare qui vont te reprendre du Jimi Hendrix, mais t'entends Jimi Hendrix quoi, tu vois, quel intérêt. Enfin, pourquoi pas. Juste, je suis doué, ça fait un peu, regardez-moi comme je joue du Jimi Hendrix ou autre. Bon, après, c'est moi, c'est mon avis. Mm-hmm. Je sais pas que c'est mal. Pour revenir sur l'écriture, moi, par exemple, comme tu disais, il y avait plein de morceaux que tu travailles, vous allez même jouer tous les trois. Moi, par exemple, j'ai pas. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai pas réécouté les morceaux. Anciens. Ouais, les anciens morceaux, par exemple, ça m'a pas. Tu les as jamais. J'avais peut-être un ou deux que j'ai dû écouter, mais je me suis pas. Je suis pas parti là-dessus en disant. On n'est pas parti dans l'esprit de. On faire la même les chose. Morceaux et on refait la même chose. C'était, il y a des textes qui sont là. Il y a des structures, des progressions harmoniques, des choses comme ça qui étaient déjà là, mais après, ça bouge pas mal. Puis même, je pense qu'au niveau de la batterie, c'est même plus. C'est pas ce que tu dis, par rapport à Magnetti, tu fais plus tout à fait la même chose. De toute façon, déjà les tempos sont baissés, hein, puisque à l'époque c'était du 200 rapide, aujourd'hui, on essaie déjà de culminer à 170 à la noire, c'est déjà pas mal. Si on y arrive. Ah, il y a des moments où on dit, on va jouer moins vite, faut poser les morceaux. L'autre jour. Et après, une fois sur scène, souvent, on les accélère, les morceaux. Oh, on l'a joué à une vitesse, et en plus, bien. Mais ça rage, quoi. Ouais. Ça, c'est la tendance, c'est-à-dire que le stress qui fait que, quand vous êtes sur scène, les morceaux ont tendance à être joués plus rapidement. Ouais, puis il y a des morceaux qui s'y prêtent, qui appellent à la rapidité, quand même, plus que d'autres. Mmh. Quand même. On regarde les gens aussi, parce qu'il faut que ça soit un petit peu interactif aussi, c'est-à-dire qu'on regarde les gens, si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas, mais si on joue que des morceaux à 200, les gens, ils vont être fatigués avant nous, quoi. Alors, c'est bien, de temps en temps, de ralentir le tempo. C'est vrai. Nous, la moyenne, c'est quoi? 120, 130, 140, qu'est-ce que tu dis? Ah, les morceaux qu'on joue actuellement, entre 140 et 170. Ouais. Et le battement du cœur, c'est combien? Alors, justement, j'avais fait un peu une étude là-dessus, pas par rapport au bois de Pandicœur, mais par rapport au tempo qu'appliquaient les groupes comme les Ramones, et, enfin, toute cette génération-là, et ils étaient dans ces valeurs-là, dans les 170 à 180 à la noire. Alors là, donc du coup, en plus, ça a été aussi pour moi une référence de se dire bah, si ces morceaux on les aime parce qu'ils tournent à cette vitesse-là et parce qu'ils ont une pulsation, une pulsion qui nous accroche. Voilà, c'est aussi une motivation. Et ça donne l'impression que ça joue plus vite les Ramones, alors qu'en fait non, ça joue pas si vite que ça. C'est un tempo, c'est un mid-tempo. Quoi. Enfin ouais, c'est pas rapide non plus. Mais pour l'époque, peut-être que c'était rapide. En live, c'était vachement plus rapide. En concert. Bah déjà, leur concert a été rapide. Hein. Oui. Maximum trois quarts d'heure. Ouais. Ah oui, le fameux album. C'est vrai que les morceaux étaient très courts aussi. Hein. Ah bah oui, One, Two, Three, Four. Deux minutes. C'est ce que je disais, trois accords. Trois accords, deux minutes, c'est un grand. Ouais, minutes, c'est un grand max. Ouais, deux minutes. Ils avaient aussi la particularité d'enchaîner les morceaux, ils finissaient, hop, ils y repartaient sur l'autre. Et donc ça allait très vite. Et puis au fur et à mesure, ils ont quand même rallongé les morceaux, enfin, ils ont. Voilà, c'était. Moins bien, enfin pour moi. Moi, je suis assez fan des quatre premiers albums, et puis après, c'est moins bien. Enfin, On parle des Ramones, mais on ne retrouvera pas du Ramones dans nos compos. Hein. Non, pas trop. Non. C'est une référence qu'on a en commun, mais pas pour autant. C'est une référence que j'ai dans la tête, que je connais depuis 76, que je disais tout à l'heure. Mais en fait, on était inspiré pour la reprise qu'on fait. Ring of Fire, on était plutôt inspiré par Social Distortion. Je sais pas si vous voulez. Ça me dit quelque chose, mais j'ai pas de. Ouais, c'est un groupe. C'est pas un croc, Social Distortion, avec des petits accents. Enfin, il y a des mélodies, il y a vachement de mélodies dans leurs morceaux. Crossover trash, shoegaze. Crossover trash, ouais. Ça, je pense que c'est entre métal et. Entre métal et hardcore. Oh bah ils sont pas trop métal quand même. Non. non, on raconte des conneries là. Ah bon? Ah voilà. Très bien. Donc, et comment ça se passe donc la construction des morceaux, les nouveaux morceaux que vous avez fait ensemble? Il y en a eu beaucoup qui ont été faits vous quatre. Plus ça va, plus les derniers morceaux on commence à les faire ouais, les quatre. D'accord. Et comment ça se passe? Ça prend plus de temps parce que la structure souvent elle est pas là. Enfin. Bah ouais, mais qui c'est qui amène la première idée? Ce qui se passe la plupart du temps, c'est Christian, il se lève le matin. Voilà. Il a une idée et après il nous l'envoie sur Messenger. D'accord. Et là, on bosse avec Messenger souvent. On a deux trucs de discussion. D'ailleurs, il y a certains qui parlent de la musique sur la discussion. Et donc, on s'envoie par Messenger, on s'envoie les morceaux. Moi, souvent, je le fais même à l'acoustique, des fois. Christian compose, est le principal compositeur des textes, des structures de base. On importe tout ce qu'on a. Et puis après, c'est. Les arrangements. Après, c'est. Et après, voilà. Et dernièrement, il y a Alex qui nous a envoyé un gros morceau. Et il nous a dit qu'il en avait plein d'autres. Ouais. Et ça nous sort de nos habitudes. Vraiment, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une. C'est l'année d'ailleurs, c'est pour ça que c'est plus dur. C'est un véritable exercice et on commence à y arriver là. Ça commence à être super. Les super morceaux ne ressemblent pas du tout à la musique. En plus, mais c'est ça qui est génial. On l'a complètement pété. Ah oui, on l'a complètement chassé. C'est super. T'es commencé par une ligne de basse, c'est vrai que c'est pas commun non plus. C'est par la ligne de basse. Après, faut se retrouver dedans, trouver une mélodie. Moi, je sais que même pour moi, trouver une mélodie chante, qu'est-ce que je fais. Donc, ça, j'ai fait des petits caca, au niveau du chant, des fois. Ça faisait. Ah oui, il y a de la recherche, forcément. Partant d'une ligne de basse, ligne de basse, après la batterie, la base rythmique, et à partir de là, il faut broder dessus, quoi. C'est ça, voilà. Et c'est ça, le luxe qu'on a de pouvoir répéter chez Tchaki, qu'on peut jouer 4 heures, 5 heures, si on veut, un week-end complet, donc on a tout l'espace et le temps qu'il nous faut pour composer. Parce qu'on enregistre à chaque fois. Oui, toutes les répètes sont enregistrées. Vous enregistrez et après vous prenez le temps de réécouter tout. Et samedi matin, après souvent, le samedi, Titi nous renvoie les morceaux et on réécoute. Ah, tiens, c'est bien. Enfin, voilà. Et puis chacun fait son autocritique et cherche. D'accord. C'est vrai que ça permet d'évoluer. Hein. C'est vrai que c'est goûté. Sur le moment, ça me rappelle des histoires comme ça où il y avait des groupes qui me disaient nous on se retrouve, on fait la répète, on était bien chaud, on avait bien un petit une petite bière avant, là, là, machin, etc. On a fait un truc, oh super, on était contents, on s'est couché, on est allé, on avait un truc super bien. Le lendemain matin, on est côté, on est, c'est quoi ce truc là? Donc ouais, il faut. Ouais, ouais, ouais, sur le moment, des fois, ouais, c'est vrai, on a l'impression d'avoir sorti un super truc, et puis quand on écoute, bah non, j'étais complètement à côté. Bah, toi aussi, non, on ne sait pas. Et après, bon, il y a la qualité de l'enregistrement, mais il y a aussi des fois les petits plantages, les petits machins comme ça. Mais bon, c'est comme ça aussi qu'on les rabote, et puis on finit par faire un morceau bien construit, quoi. C'est ça. Et donc, le choix, c'est toujours en anglais. Ouais. Le choix de la langue. J'ai du mal, hein, il y a un groupe, j'ai essayé de faire des trucs en français. Ah, ça me va pas. Enfin, j'ai du mal. Oui, après, je trouve que le français, c'est une langue qui est difficile. L'anglais, c'est presque, c'est une langue chantée. Enfin, c'est une langue comme presque un instrument, quelque part. Mm-hmm. Même si tu la chantes en yaourt, il y a un truc, il y a une sorte de mélodie qui va se faire quand même. Le français, déjà, tu peux pas le faire en yaourt. Bah non, ça va être compliqué. Ah ouais, français, j'ai jamais pensé. Alors, quoi que c'est vrai, j'ai vu, il y a des Anglais qui reprennent aux Champs-Élysées, le truc comme ça. NoFX reprend les aux Champs-Élysées. Ouais. Et c'est vraiment yaourt français, il faut le faire. D'accord. Ah oui. Et du coup, ouais, donc j'avais essayé le français. Et bon, il y a. Dire que tout le monde ne s'appelle pas ou Bachung, par exemple, toi, pour travailler des textes, il y a des trucs, ou même Gainsbourg, ou même comment il s'appelle, même si je l'aime moins, le chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, ouais. Il a eu des super textes, enfin tout ça. Bon, même si c'est un gros connard. C'est, je le dis, hein. Oui. Comme je pense. Au niveau artistique, ouais. C'était quand même, voilà. C'est une référence, ouais. Voilà. Après. Mais c'est comme tout, hein. C'est comme tout l'art, c'est comme les écrivains. On va parler de Céline, par exemple. Moi, j'adore, j'ai lu des bouquins de Céline, tout ça. C'était un gros con aussi, enfin, toi. Antisémite, enfin. Et pourtant, il y a des textes, qui sont beaux. Bah ouais, on peut pas être bon partout, et puis malheureusement. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis le français. Faut être bon. Faut être bon dans l'écriture, faut être bon dans. Non, mais après c'est un choix aussi. Hein. Il y a des, par exemple, le groupe Dérapade, c'est toujours en français et puis ils le font bien. Donc voilà. Il y a pas mal de groupes qui interprètent en français. Il y en a qui a un petit peu des deux. Et il y en a certains qui font le choix de chanter en anglais parce que c'est la langue du rock'n'roll en même temps. Aussi, c'est un peu comme du flamenco en allemand, ça ferait un peu bizarre. Exact, quoi. Donc le flamenco, c'est en espagnol. Et, ouais, bon vieux. Et pour toi, un bon vieux fado. Ouais, j'ai vu ça une fois, c'était justement, c'était sur Arte, donc c'était un fado en allemand. Et donc, j'étais un peu surpris, mais ça le faisait quand même. Mais il n'y a pas l'essence du fado au portugais. Non, puis je pense que même en allemand, il doit prendre la petite touche un petit peu portugaise, un peu. Non, t'es obligé de. Ouais, je pense qu'il est obligé d'arrondir peut-être la langue allemande pour que ça. Ouais, entre les deux. Il y a des trucs comme ça. La bossa nova, c'est en portugais aussi. Le rock'n'roll, blues, c'est quand même à l'origine, c'était en anglais. Même si beaucoup des fois, moi, j'écoute des pays de l'Est aussi où ils ont découvert le rock and roll beaucoup plus tard que nous, parce qu'avant c'était le bloc soviétique, etc. Mais quelque part, des fois, ils chantent dans leur langue à eux. Je dis ça le fait quand même. Voilà. Leningrad Cowboys, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Leningrad Cowboys. J'ai déjà vu ça. Les mecs, ils ont des super bananes. Oui. Avec des chaussures hyper pointues, tout ça. Il y a eu un film et tout ça. Et c'est pareil, ils sont, enfin voilà. Ils ont pris un peu, c'est du rock'n'roll, mais à leur façon, là. Le petit côté aussi un petit peu des pays de l'Est. Hein, ouais. Très bien. Mais il existe des groupes portugais rock'n'roll ou... Il en existe même énormément. Proportionnellement par rapport au pays, on se demande si tous les Portugais sont partis, parce qu'il y en a énormément. Ça passe pas les frontières. Le truc, il est là, c'est justement, il y a des excellents groupes au Portugal, mais ce qu'il faut savoir, ça passe pas les frontières à cause de la langue, simplement. D'accord. Parce qu'il y a certains, il y a quand même des exceptions. Vous connaissez sûrement le groupe Moonspell qui fait du métal. C'est quelque chose, ça. Oui, c'est un groupe, personne ne le sait, ils chantent en anglais. Ouais. Personne ne sait qu'ils sont portugais. D'accord, voilà. C'est un groupe connu, ça. C'est, oui, c'est connu, c'est oui, connu, ça, connu, internationalement, oui, et voilà, c'est un groupe portugais. Ah, d'accord, ok. Et donc, le chanteur, je connais pas son nom, chante en anglais. Et l'avantage des Portugais quand ils chantent en anglais, c'est qu'on décèle beaucoup moins que quand c'est un Français qui chante en anglais. Ouais, c'est plus arrondi. Passe, c'est plus arrondi, ouais, ouais. Ah, ouais. Mélodie, ouais. Moi, des fois, je me trompe. Hein. Moi, j'ai eu la chance de voir pas mal d'artistes portugais qui interprétaient en anglais. Bah, j'ai l'impression que c'est des Anglais, quoi. Oui. Alors que des fois, les Français, bah, ça s'entend un peu. Ouais. Ah, L'espagnol, ouais, c'est pareil, ça passe pas non plus. Alors que le portugais, c'est de facilité, je sais pas. Et ça ressemble peut-être plus au niveau phonétique. Mais c'est vrai qu'en pas. France, on voit. Mmh. Ouais, peut-être, ouais. Ou alors ça va peut-être plus marcher Brésil, enfin. Oui, oui, c'est-à-dire bah, que. C'est Cultura, ouais, hein. Voilà, c'est en anglais, c'est Cultura, et je crois qu'au Brésil, on parle portugais. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Mmh. Donc, Sepultura, c'est des Brésiliens. Ouais, ouais. On les écoute. Moi, ça faisait des années que je pensais que c'était un groupe américain, vu le style. C'est ça. Donc, voilà. Et là, c'est pareil. Il y avait aussi un groupe qui avait gagné un prix à Memphis. Alors là-bas, c'est le rockabilly et tout ça. Donc, alors, c'est la caisse, les ouais. Texabilly Rockets. Qui est un groupe portugais, donc un groupe portugais qui gagne, il gagne un concours de rockabilly à Memphis, et ils ont pas vu la différence que c'était pas des c'était pas des Américains quoi. D'accord. Donc voilà, et dans comme quoi il y a des groupes qui marchent très bien. Mais à partir du moment où ils chantent en portugais, effectivement, il y a des groupes qui sont très connus. Hein. Il y a des groupes qui existent depuis 40 ans, qui sont un peu les Rolling Stones portugais comme Chutes et Pontapés ou AGF, des groupes comme ça qui marchent depuis un certain temps. Mais ça reste. Ils ont des références au Portugal. Ils remplissent des salles, mais ailleurs, bah non, ça passe pas. C'est un peu comme Johnny Hallyday. Ouais, Johnny Hallyday, dans les pays francophones. Par contre, une fois, ils avaient été aux États-Unis, là où il habitait, et puis ils demandaient, vous connaissez la personne? Il dit non, on connaît pas. C'est Johnny Hallyday, on sait pas qui c'est. Ouais, il fait les concerts. Ça faisait splash. Les concerts de Johnny Hallyday, en fait, c'était que des Français, quoi, qui étaient dans son concert. Voilà, c'est ça. Puis c'était dans des petites salles, enfin, voilà, quoi, c'était, voilà. Alors, il y a des choses qui s'exportent, des choses qui s'exportent beaucoup moins. C'est ça. Donc, on a plus de chance en faisant du fado de chanter dans tous les pays, plutôt que le rock. Le rock portugais, c'est peut-être un peu plus pour les Portugais, voilà, tout simplement. Ouais. Mais il y a d'excellents groupes, hein, il faut quand même le dire. Moi, je me suis intéressé pendant un certain moment. Aujourd'hui, ça continue d'évoluer, mais effectivement, il y a des très bons groupes. Et ben, il faudrait en faire venir un petit peu. J'aimerais bien. T'as jamais reçu ici dans ton émission. Non, c'est vrai que j'ai pas eu cette chance-là. Par contre, j'ai reçu quelques artistes portugais, mais ils sont sur Paris ou des choses comme ça. Hein. Je pense entre autres à Joseph César, qui est un artiste qui chante aussi bien en anglais, en portugais et en français. D'accord. Et qui est venu ici faire un concert une fois aussi. On l'avait fait venir sur Orléans. Et il est de Paris et on le connaît parce qu'il est de Paris. Voilà, ce qui est un petit peu dommage. Mais enfin bon, à la limite, s'il y a des Portugais qui ont envie de venir ici, à la limite, on se débrouillera parce que dans la radio, il y en a beaucoup qui parlent le portugais. Ouais, et puis, le premier, ça pourrait être intéressant. On pourra traduire. Une thématique rock portugais, ça pourrait être. D'ailleurs. À découvrir, quoi. Je voulais en parler aussi de plusieurs choses. Alors déjà, il va y avoir un bal organisé par Radio Arc-en-Ciel. C'est le 13 avril. Donc c'est Jorge Ferreira qui sera là. Donc c'est un artiste qui est mondialement connu hein, dans les pays lusophones. Donc il sera en concert ici. Et moi, des fois, je le demande à Christine, la présidente de Radio Arc-en-Ciel, pourquoi on ne ferait pas venir Chutes et Pontapés, des comme ça. Parce que je pense que ça intéresserait les Portugais, mais ça intéresserait aussi les amateurs de rock, tout ça. C'est du rock and roll, c'est du bon rock, donc ça vaudrait le coup. Et j'en viens aussi, parce que le 13, il y a justement le bal organisé par Radio Arc-en-Ciel, mais il y a aussi le Creek Fest, hein, parce que le Creek Fest, c'est notre ami Christophe qui a appelé tout à l'heure, qui organise, donc c'est Creek for Zig, c'est l'association, et le Creek Fest, ça se passe à Cléry-Saint-André, et c'est dans la salle Espace Loire, et donc c'est complètement différent, hein, ça n'a rien à voir avec Georges Frel, hein, donc ceux qui préfèrent Georges Frel, ils vont voir Georges Frel. Et ceux qui veulent plutôt du rock, hard rock, il y aura le Creek Fest numéro 3, organisé par Creek for Zik. Et il y aura le groupe Prisma, sans doute un petit peu, puisque que c'est le guitariste du groupe Chrisma, le guitariste, le batteur et le bassiste qui ont eu l'idée de faire cette association. Il y aura Elixir, un groupe que nous avons reçu il y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour découvrir. Ils jouent souvent ensemble, je crois. Ils se connaissent très bien depuis très longtemps. Je les connais aussi depuis très longtemps. Il faut savoir que Elixir, il y a plusieurs membres de plusieurs groupes que j'avais connus avant et qui se sont reformés. Entre autres, il y avait le chanteur Poi de Ice Cream que j'avais reçu dans les premières années de l'émission Mavrika. Donc ça date d'il y a 14 ans. Donc voilà. Et il y aura en tête d'affiche, il y aura le groupe Sortilège. Donc ça se passe le 13 avril, samedi 13 avril, à partir de 19h, le Creekfest 3 avec c'est à Cléry-Saint-André dans la salle Espace Loire. Il y aura le Creekfest 3 et avec de très bons groupes, donc voilà, ça je l'ai dit. Donc on revient aussi à Georges Frel, donc ça se passe le 13 avril, c'est le même jour et c'est à partir de 21h et ça se passe à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Voilà, comme ça on a annoncé un petit peu les concerts qui auront lieu. C'est au même endroit, donc il va falloir faire un choix. On peut pas faire autrement. Très bien. Donc, on va écouter peut-être encore un petit peu de musique. Oui. Ah bon ? Ouais. Parce qu'on a encore plein de trucs à écouter. Alors, je suis en train de regarder le titre que j'avais calé juste après. C'est un titre qu'on diffuse déjà depuis pas mal de temps. C'est The Color of the Sky. Tu l'aimes bien, ce morceau, je crois. Ouais, je l'aime bien. C'est vrai que j'ai accroché. C'est le premier que j'ai diffusé. J'ai essayé de le voir. Je voyais toutes les semaines du véhicule. Vrai qu'il envoie bien. Ouais, ça me plaît bien. Et puis l'intro basse et tout ça. Enfin, il y a un truc, C'est vrai qu'il est bien, ce morceau. Donc, on écoute tout de suite. Allez. Et on en parle après. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on est bavard ce soir. De retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, nous recevons ce soir pour cette émission numéro 588, nous recevons le groupe Sonic Lag. Ils sont présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on a commencé à découvrir vraiment leur univers et on vient d'écouter justement un morceau qui s'appelle Color of the Sky, qui est le premier morceau que j'ai diffusé du groupe dans l'émission Mavrika. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'envoie ce morceau-là. Ouais, et juste après, on a parlé tout à l'heure d'un... Mine Circle, voilà, que j'ai eu la chance de recevoir ici dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est vrai qu'il y a des groupes comme ça que je diffuse assez régulièrement. Il y en a d'autres, des fois, je me dis, tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas passé à Mine Circle. Donc, ça m'est resté dans la tête. Et je me suis dit, tiens, je vais envoyer un petit morceau qui s'appelle Storm. Voilà. Ouais. C'était bien, je connaissais pas du tout. Et il y a une... Ouais, c'est sympa, c'est un côté pop anglais un peu. Ouais, voilà, c'est super sympa. Ah ouais, c'est... Vraiment cool. Et il y a une vidéo sur YouTube qu'on avait tournée dans les vieux quartiers de Blaisois. Ouais, où il marche. Où il marche. Il y a tout le monde qui apparaît, donc il y a pas mal de gens. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Ça a été pris en une seule prise en plus. Ouais, parce que je crois que ça avance et puis la caméra c'est toujours la même image. C'est pas des montages qui ont été faits, c'est vraiment les gens. Ça a été fait en deux fois parce qu'il y a une première fois c'était un petit peu raté. J'imagine. Il faut que tu sois vraiment calé. C'est pas évident. Mais non, mais franchement, c'était super bien. Et puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir ce groupe-là. D'ailleurs, s'ils nous écoutent et qu'ils ont envie de revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il y a pas de souci. Ils font partie des Mavericas Family. Ils reviennent quand ils veulent. Nous, on aime bien que les gens viennent, qu'ils reviennent. Ça veut dire que tout se passe bien. Voilà. Les gens qui passent et puis qu'on voit plus après, on se dit ils sont passés dans l'émission Marika, on a passé un bon moment et c'est dommage. Mais ils font tout le temps des concerts, Mille Circles. Tout le temps là, même si ça a changé un petit peu au niveau du groupe, ça a un petit peu changé au niveau du batteur. Ça évolue. Il y a des changements comme ça, mais bon. Donc le groupe existe toujours, il continue toujours à jouer. Et tout ça, toujours. Très bien. On revient à Color of the Sky. Alors ce morceau-là, il parle de quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La couleur du ciel. Couleur du ciel. Et juste derrière, on en voit Storm. Quelle est la couleur du ciel ? Tempête. C'est un petit peu une métaphore sur les changements sur la migration, les émigrés. C'est deux jeunes étrangers qui quittent leur ciel qui est bleu au départ et puis qui devient rouge et puis qui vont à la recherche d'un ciel plutôt vert, en passant par des ciels, D'accord. Mais c'est une métaphore par rapport au pays et par rapport à deux jeunes, mais ça peut être aussi une métaphore par rapport ça peut être ça peut être deux garçons ou deux filles, c'est-à-dire que ça peut être aussi cette métaphore comment on rejette un petit peu les gens s'ils sont trop genrés ou donc c'est des morceaux qui veulent dire quelque chose souvent. C'est ce que je suis en train de voir justement. c'est quand même des morceaux qui ont un sens qui disent pas n'importe quoi. L'anglais sonne bien, mais quand ça veut dire quelque chose, c'est encore mieux. C'est ça. C'est pas 1, 2, 3, 4. I love you, baby, biba, bouloula, etc. C'était le morceau tout à l'heure, c'est Please Touch Me. Ça a été un petit peu, Iggy Pop un petit peu dans la tête avec. Avec c'était comment déjà. I wanna be your dog. I wanna be your dog. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai un petit peu transformé Please Touch Me. I wanna be, je peux être ton chien, caresse-moi, mais tu sais que je suis pas en pierre, tu sais, Ok. D'accord. Donc, jouer avec les mots, et puis, quand il y a un bon sens, en plus, c'est. Et est-ce qu'il y a des histoires d'amour aussi? Parce que ça, souvent, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Est-ce que dans ton. Il y a des morceaux un petit peu. C'est un petit peu souvent, c'est un petit peu politisé quand même, quoi. Tu montres ta manière de penser, tu prends des parties. Je suis quand même un antifacho parce qu'il y a des morceaux là-dessus aussi. C'est où je me pose la question est-ce qu'ils ont été des enfants comme nous? Ces gens-là, un petit peu, tous ces nazis et tout ça, tu te dis, mais t'étais quoi quand t'étais gosse, quoi? En fait, j'en ai fait un morceau. Très bien. Donc, Vrai que c'est des questions qu'on peut se poser, par exemple, quand on parle, par exemple, des nazis, ils ont été endoctrinés depuis leur plus jeune âge. Quand la guerre arrivait, Hitler était déjà au pouvoir depuis pas mal d'années, donc il avait eu le temps déjà de préparer pas mal. Surtout aussi quand c'est comme ça, c'est nos contemporains. C'est-à-dire que, comment tu peux, je veux pas faire de politique ici, mais comment tu peux avoir encore ces idées-là, quoi? C'est des mômes qui ont pas connu tout ça, puis tu les vois, en train de saluer le banc en l'air, tout ça, mais tu sais ce que ça veut dire. Et tes parents, ils étaient comment? Tes grands-parents et tout ça, est-ce qu'ils ont été des enfants comme nous, quoi? Et c'est vrai que les gens qui ont connu la guerre et tout ça, ils se posent pas de questions, mais aujourd'hui, il y a des générations qui n'ont pas connu et qui, Franchement, il faut pas tomber dans ces trucs-là. On a vu dans tous les pays où il y a eu des dictatures comme ça, ça finit toujours mal de toute façon. Il y a toujours un problème au bout d'un moment. Qui trinque, c'est le peuple, au bout du compte. Mais ça revient. Le danger est là. Avec un grand sourire. les mots sont pas les mêmes, mais les idées sont les mêmes, quoi. Ils sont bien habillés, ils ont un joli sourire, mais ils disent ce que les gens ont envie d'entendre, et même ce qu'après ils font, ce qu'ils ont envie de faire. Attention, tu vas te faire. Mais... non, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui disent la vérité. On les aime pas ceux-là. Voilà, Par contre, parce qu'ils disent, voilà, il y a un souci, il y a ça. Et, oh ouais, non, mais ils nous intéressent pas. Par contre, il y a quelqu'un qui leur dit les bons mots en leur disant, en leur faisant croire qu'ils vont tout améliorer, tout ça. En vérité, ils ont pas de solution. Hein. Mais en faisant croire ça aux gens, ben ils ont des voix. Et puis au bout d'un moment, une fois qu'ils ont le pouvoir, ils le lâchent plus. Je trouve qu'on les entend beaucoup. Et beaucoup trop, enfin tu vois, on leur donne beaucoup la parole, c'est enfin, tous ces types là, mais bon. Ah ouais. Après enfin, on dit que c'est la démocratie, il faut donner la parole à tout le monde, mais bon, il y a oui, des... si, ouais, voilà, mais eux ce sont pas des démocrates, quoi. Ouais, faut pas tomber dans les pièges, non plus, tomber, voilà. Ouais, même pas des républicains, pas des démocrates, c'est, enfin, on va pas rester. Alors maintenant, on va faire un petit cours d'histoire, sur l'anarchisme, voilà. Ben, voilà, quoi. Très bien, en tout comme cas. Quoi, donc, comme quoi, les textes de Sonic Lang aussi, c'est. Ouais, ont un sens. Voilà. Ils ont envie de dire quelque chose et dire, voilà, la manière de penser aussi du groupe. Voilà. Je pense que tu n'es pas le seul. Les autres te suivent ou alors ils ne sont pas d'accord? J'en sais rien. Puis, j'en sais rien. Voilà, il a pris sa carte. Très bien. Après, je pense qu'on est à peu près tous à peu près sur la même ligne d'idées, de façon de penser. Enfin, je pense. Très bien. Puis un jour, je vais découvrir que c'est pas vrai. Moi, je m'intéresse surtout à la musique après. Ouais. Mais c'est intéressant quand tu fais des textes aussi, faut pas que. Toi. Non, les textes, je mets de l'importance, mais ce que je veux dire après, moi. Oui, à partir du moment, c'est dans tes idées quand même, parce que je suis sûr que si jamais il disait quelque chose dont tu es pas d'accord, tu serais pas d'accord des. Ah ouais, non, vraiment des trucs. Le guitariste d'un groupe qui dit des conneries, quoi. Non, il y a certains trucs qui passeraient pas du tout. Qui passeraient pas du tout. Non, pas du tout. Très bien, donc. Mais non, là, j'ai confiance aussi en Christian. Moi, tu connais la personne, tu sais que bon, c'est quelqu'un. Non, m'imagine très bien que je leur explique un peu ce que le morceau veut après, dire. Après, politiquement, c'est vrai que bon, après, moi, j'ai des idées, mais. Ça va qu'il fait pas de prosélytisme véganiste. Ça va. J'ai failli à un moment, hein. Ça va, y a pas de. Mais ouais, c'est pareil, hein, ça fait. Mais j'aurais pas fait un morceau de téléphone. Mais c'est pour ça que je veux dire. Pour l'instant, on est d'accord avec ce que tu chantes. Mais. Touche pas à notre steak. D'accord. Végétarien depuis 32 ans. Les bavettes d'Aloyo, c'est vachement bon. Hein. Ouais, moi je l'ai su. Je l'ai appris justement au dernier Maverick Live où. Moi, j'avais pas prévu, j'étais pas au courant. Ah oui. Tu te souviens donc. Alors, je suis arrivé. Oh la vache. Ouais, bah ouais, parce que moi, j'avais pas été prévenu. Et puis, on a essayé de voir avec ce qu'on avait. Mais bon, t'as passé peut-être pas un très bon moment. Parce que bon. Ouais, ça va. Mais bon. C'est en général, sur les Catherine et tout ça, des fois, c'est. Bon, de plus en plus, il y a quand même pas mal de Catherine qui deviennent aussi. Ils pensent aux végétariens. Je pense qu'il y a de plus en plus, même chez les jeunes, il y a de plus en plus de végétariens aussi. Ou alors flexitariens, ou alors des gens qui pensent quand même un petit peu aux animaux. Ouais. Enfin, voilà. Toi c'est justement par le respect des animaux que ouais, tu fais ça ouais, ou... c'est un peu. Ouais, c'est plus philosophique. Et... Ouais, ouais. Enfin voilà, c'est des êtres pas humains mais qui, enfin voilà, qui une chair, enfin voilà, qui souffre, qui, enfin voilà. Ben pourquoi les faire souffrir alors que tu peux vivre, voilà. tu peux vivre sans. Mais j'ai essayé le véganisme, hein, mais c'est costaud. Hein. Ouais, ça doit être raide, hein. Vegan. Ah ouais, vegan, c'est carrément, il y a, c'est. Pas d'œufs, pas de lait, pas de. C'est ça, pas de miel, tout ce qui est production animale. Oh, les pâtisseries, pas de chocolat. Bah non, enfin, le chocolat. Ouais, vegan, c'est végétalien, c'est ça, hein. Ouais, sauf qu'en plus. C'est, parce que végétalien, c'est au niveau de ce qu'on mange. Voilà. Donc, un vegan, il a ça, mais en plus, il met pas de cuir. C'est ça, pas de cuir, pas de vêtements. Tout ce qui vient. Ouais. Parce que moi, j'ai pas de cuir, même à la maison. Enfin, voilà, il n'y a pas de cuir. Les chaussures sont pas en cuir. Et puis, aujourd'hui, on fait des choses qui imitent très bien. Et qui tue pas les animaux, donc. Bon, après, y en a comme qui les manteaux de fourrure et tout ça. Aujourd'hui, on fait des trucs qui sont super chouettes. Et voilà, c'est quand même dommage de tuer je sais pas combien de visons pour faire un manteau. Hein. Bon, après. Il y en a qui vont nous dire l'inverse, hein, mais bon. Après, c'est une manière de voir. Très bien. Mais après, moi, je vais bouffer chez les boys et tout ça, qui sont pas forcément végétariens. Je laisse bouffer leur viande, mais souvent, c'est des gens. Je sais que c'est des gens qui savent d'où vient la viande, qu'elle n'a pas été forcément maltraitée. Enfin, c'est pas du truc industriel. Ils connaissent le boucher ou ils connaissent, ils en mangent beaucoup moins. Enfin voilà. Bon. Très bien. Sénégal est parti. Très bien. Bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est intéressant de savoir aussi. Voilà. C'est intéressant de faire. Il faudrait que je fasse un morceau là-dessus d'ailleurs. Bon, tiens. Voilà. Allez. Merci. Bonne idée. Bon. Voilà. Donc le. C'est vrai que j'ai jamais. Prochaine répétition, tu proposes quelque chose. Ouais, prochaine répète, on se fait une bonne côte de bœuf. C'est ça. Une côte de bœuf à la mayonnaise. On va mettre tout des barbecues bientôt. Hein, c'est ça. Ah ouais, ça commence, ça commence. Hein. Ouais. Non, mais dans le respect aussi de. Du nom de la maltraitance des animaux, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des. Ouais, il y a des choses qu'on voit, des choses qui sont impossibles. C'est ça, incroyable, incroyable. Hein. Et puis on se dit, finalement, ouais, c'est tout ça, c'est pour donner à manger à tout le monde. C'est une usine, quoi. Par exemple, je pense aux poulets qui sont les uns sur les autres. On les fait pondre, on leur donne des mains. Les cochons, après, un cochon qui court, ou alors une vache qui vit sa vie, et tout ça, c'est quelque chose de différent. Bah, apparemment, la viande est déjà nettement meilleure. J'imagine aussi. Mais après, c'est aussi une question de, tu sais, c'est le capitalisme aussi, hein, qui en ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le pauvre, il a bouffé de la merde. Donc du poulet élevé en batterie, et puis celui qui a les moyens de se payer une bonne viande, il va pouvoir. Oui, puis on s'est mis dans la tête aussi que c'était nécessaire de manger de la viande tous les jours. Aussi, ouais. Et nos ancêtres faisaient pas ça. Bah non, il faut pas remonter très loin. Faut pas remonter si loin que ça. Il y a 80 ans, 100 ans peut-être. Les gens ne pouvaient pas déjà manger de la viande tous les jours. Non, bah non. C'était un poulet week-end. La génération d'il y a une cinquantaine d'années mange très souvent, on connaît tous des gens, et d'ailleurs on les juge pas, mais c'est un constat, qui mangent de la viande tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Et ça, c'est un truc, un réflexe. Et puis moi je faisais pareil, quoi. C'est jusqu'au jour où ma femme m'a dit on va peut-être y aller mollo sur la viande. On réfléchit plus différemment, effectivement. Ouais. Et puis aujourd'hui, il faut quand même bien le dire, il y a des gens qui ont manqué pendant un certain temps, hein, alors en France c'est ça. Et aujourd'hui, nous on a plus qu'assez. Donc si on fait pas attention, là, on a tendance même à devenir une population obèse. Il faut savoir que ça devient, donc ça veut dire qu'on mange beaucoup trop et trop riche par rapport à ce qu'on fait. Avant, les gens bougeaient beaucoup plus, ils avaient besoin, pour abattre les arbres, ils avaient besoin de manger. Aujourd'hui, on travaille plus dans des bureaux, on travaille les travaux quand même moins de force, on n'a peut-être pas besoin de manger aussi riche. Et donc, pour stocker de la graisse, et puis nous rendre malades, ça sert à rien. Donc, il vaut mieux aussi que ce soit plus sain et qu'on respecte les animaux et qu'on prenne ce qu'on a besoin. Pardon, c'est une véritable catastrophe écologique, l'élevage de masse. Catastrophe écologique. Ah, si, avec ça. Voilà. Il y en a plein de choses. Tant d'autres. Plein de choses qu'on sait même pas. Et puis, même des choses qui sont faites, sous couvert d'écologie, soi-disant, c'est bien pour cela, mais de l'autre côté, on fait plus de mal qu'on fait de bien. Voilà. Donc, j'ai des exemples à dire, mais je crois que je le dirai pas à la radio. on va les garder pour tout à l'heure, quand on discutera un petit peu. On va parler musique. On va pas refaire le monde, mais bon, on sait bien que le monde, il a pris des chemins qui sont pas toujours très, très, très bons. Et on a été trop à l'extrême. Il fallait certaines choses. Il fallait nourrir tout le monde. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est venu à l'extrême quand on est complètement à l'opposé. Puis on nourrit pas tout le monde. En Afrique. En plus. C'est que ça, on nourrit pas tout le monde en Inde, en Afrique. Voilà. Et le pire, c'est qu'ils se servent de cet argument pour dire il faut produire encore plus de façon intensive, alors qu'en fait, tu regardes dans les cultures, il y en a la moitié qui servent pas à faire de la nourriture, qui servent à faire de l'énergie, du pétrole, ou des gaz, des machins, des trucs, du coton, de la viande. Donc en fait, finalement, si on prenait déjà les surfaces qui sont exploitées pour faire de la culture, on pourrait largement nourrir tout le monde. Et déjà, il faut arrêter aussi tous ces élevages des vaches, les bœufs, tout ça. Enfin, ça, c'est pareil, hein, ça agrise de la flotte, de l'herbe, je crois que je sais plus combien, pour un kilo de bidoche, je crois que c'est 7 kilos d'herbe qu'il faut, hein, donc et puis des dizaines de baignoires de flotte. Et puis en plus, ouais, puis de la flotte. Pour et faire tout pousser, la flotte, tiens, faudrait que je fasse un morceau sur la flotte. Sur la flotte. Je sais pas si on va y arriver sur la flotte, on est trop bière. Mais il faut de la flotte pour la bière. En plus, faut de la flotte pour faire la bière. Oui, c'est vrai. Il y a de l'eau dans la bière. Non, moi je pensais pour se laver déjà, mais bon, après, c'est vrai. Se laver à la bière. Non, se laver avec de l'eau. Non, parce qu'il parlait d'eau, je dis attends, on s'est lavé. Ça colle. Ça colle. Un petit peu. Ah, il y en a qui ont essayé. Ouais. Non, mais des bananes à la bière à l'époque où j'étais un peu Teddy Boy, beaucoup même. On faisait nos bananes à la bière. D'accord, parce que ça collait légèrement. Ah oui, les cheveux, oui, pas le plat, la banane à la bière. Il y a le banana split, la banane à la bière. Non, d'accord. Ah non, la Dubtel. D'accord, d'accord. On chauffait ça avec le sèche-cheveux, donc bière, sèche-cheveux. Ça a du bing-bing. Alors, on passe d'écologie aux cheveux. La transition était pas mal. Génial. Remarque, il y a un côté récup de se coiffer avec de la bière. Ouais, bah. Donc, quelque part, on est presque dans le thème. Mais j'avais un pote, il avait essayé avec le sirop de grenadine. Ah ouais. Ah bah, son dit pas en été, les mouches, vous allez vous dire que... Il l'a fait deux fois. Il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites, hein. Il y a pas mal de choses. Ah, oui. Effectivement. Très bien. Bon, en musique. C'était aussi en, comme les punks qui mettaient aussi de l'eau sucrée, hein, de l'eau sucrée pour faire leur crête qui se tenait bien droite. Donc c'est un peu la même chose. Et tu les vois maintenant, bah, ils ont plus de cheveux. Bah oui, parce que déjà ceux d'époque, ça nourrissait la bière. Très bien. On prenait de la Valstar. Si vous les avez connus, la Valstar. Tu connais la Valstar? Ah oui, en bouteille d'un litre, oui. C'est ça. Tout à fait. Bouchon rouge et bouchon vert. Oui, il y avait deux trucs différents. Je ne me souviens plus pourquoi, mais il y en avait deux. C'était de la pisse d'âne, mais il fallait en boire un paquet pour être sûr. Faire tenir la crête à la pisse d'âne et en boire un paquet. Hein, c'est un sacré programme. C'était des bouteilles d'un litre, hein, déjà à l'origine. Ouais. Sonic Light, c'est quoi? Ah, oh, bah c'est de la pisse d'âne. C'est de la pisse d'âne, voilà, qui tient à la bière, enfin voilà. Voilà, donc il y a Sonic, hein, y a aussi le son. Donc on va revenir peut-être à la musique. On écoute un morceau parce qu'on discute beaucoup et on a encore plein de morceaux à diffuser là. Alors le prochain morceau que j'ai calé, j'ai même pas regardé l'heure. Oui, c'est vrai que ça arrive très vite. On est déjà dans la dernière heure. On n'a pas vu le temps passer. Donc on va essayer de passer le maximum de musique. On en voit deux par deux les morceaux. Ouais, vas-y, on va. Le suivant c'est. On peut, hein, je peux. Putain, génial, ça fait un petit doigt en plus. C'est une petite souris qui chante. Never Children. Ah ben c'est celui-là dont je peux parler, Never Children. Jamais les enfants, est-ce qu'ils ont été un jour des enfants? D'accord, ben on va écouter ça tout de suite. Ça tombe bien. C'est parti. Every day, every day. Écoutez deux morceaux à la suite. On a commencé avec Sonic Lag, le groupe que nous recevons dans cette émission numéro 588, avec un morceau qui s'appelle Never Children. Et juste après, on a écouté quoi ? Mabiti. Voilà. Donc, alors ce morceau-là, il existe aussi en version Sonic Lag. Voilà, ouais. C'est ça. Alors j'ai hésité un petit peu à passer les deux. Je me suis dit, tiens, on va passer celui-là et comme ça, on pourra le garder l'autre pour la fin de l'émission. Ouais, ouais, ouais. Ou alors pour une prochaine fois. On fait des comparaisons. Ce qu'on se disait avec, c'est on joue beaucoup moins vite. Oui. Les arrangements sont pas les mêmes. Non, c'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est la première fois que je l'entends. Bah, tu vois, c'est une découverte. Ouais. C'est autre chose, mais. Mais c'est marrant parce que je ne m'en plus. Je m'en souvenais plus non plus. Quoi. Enfin, tous les. Ouais, les passages lents, les notes de Nico. Ça doit faire drôle. Vous connaissez bien ce morceau-là. Ah, et là, oui. vous l'écoutez d'une manière différente. Donc, ouais, c'est. Là, c'est une autre oreille. Ouais. C'est une autre oreille. C'est une autre manière d'interpréter, etc. Donc. Voilà, et c'est dans l'émission Mavrika que vous découvrez la chanson. Oui, je l'ai écoutée, celle-là. Tu l'as écoutée. Très bien. Donc, on va parler, maintenant qu'on connaît un peu le groupe, on va parler aussi des projets. Alors, quels sont les projets, justement ? Donc là, vous avez les enregistrements qui sont là ce soir. Vous les avez faits à la maison. Ouais. Tout a été fait vraiment par vous-même. Hein. Vous êtes aussi bien technicien que musicien, etc. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut le trouver sur un support, tous ces enregistrements? Alors, pour l'instant, non. Pas encore. Mais c'est vraiment, en substance, un projet. Mmh. Donc, vous voulez faire un CD, un vinyle, une cassette? Une bande? Pour l'instant, déjà, l'enregistrer. Parce qu'on a 10 heures d'enregistrement, et puis donc faire une sorte de démo, faire tout ça, un morceau. On sait pas encore, on sait pas trop. Faut qu'on choisisse nos morceaux. Est-ce qu'on commence par le garage? Est-ce qu'on enregistre directement dans le studio? Enfin voilà. Puis avec les gens, enfin c'est voilà, quel ingénieur du son. Ça, faut trouver les bonnes personnes, le bon endroit, voilà, et puis. Bah on a l'endroit parce que nous, grâce aux répétitions, c'est un système comme on prend pas mal d'heures. Il nous donne une demi-journée d'enregistrement avec Paul Nord, toi. Paul Nord. Voilà. Et donc là, on doit avoir quoi, deux demi-journées. Ah oui, bah oui, voilà. Par exemple. Voilà, parce que là, je tiens entre les mains et je le montrais à travers la vitre. Donc c'était un CD de Goodbye Watson que vous m'aviez laissé aussi, où c'était justement des sessions enregistrées à Paul Nord. Bah ça, c'était une session un peu spéciale. Ouais. C'était d'accord. Ce qu'ils appelaient les sessions. Voilà, c'était vraiment enregistré live devant du public. Mmh. Et c'est vrai que c'était, et après bon, c'était retouché par Fred Gramage, qui est l'ingé son là-bas, et voilà, mais c'était vraiment enregistré live. C'est pas mal. D'ailleurs, question, ça se fait encore ça? Je crois pas, parce qu'ils en avaient fait plein des sessions comme ça. Ouais, c'est ça, c'était ouais, un groupe et ouais, il y avait ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. C'est souvent, je crois que c'était le dimanche après-midi en plus. Ah, ça se fait plus. Ça se fait plus. Et donc c'était tu pouvais passer pour nous voir jouer. C'était intéressant. C'était le Château d'Eau et Paul Nord qui faisait ça. D'accord. C'était bien. C'était des bonnes initiatives comme ça. Ouais, c'est alors sympa. Que là, pour l'instant, bon, effectivement, on y réfléchit encore. Ouais, on ne sait pas encore tout à fait comment. Si on veut les écouter pour l'instant, et on peut les avoir en streaming quelque part ou... Eh ben, il faut aller sur notre page Facebook. D'accord. Ils sont pratiquement là, tous les morceaux. Facebook. Je fais des petits montages avec une image, vous trouvez tout. Donc tout on peut les écouter là déjà, ouais. On peut les partager justement. Ah bah oui. Mettre des petits j'aime aussi, voilà. Oui aussi, des petits likes. Des petits likes. Et puis donc on y réfléchit sur quel support. C'est vrai, moi je pense que ça sera un CD au départ. Là je suis très vinyle, mais ça coûte cher le vinyle. Le vinyle coûte très cher. Et puis tout le monde peut pas l'écouter. Voilà. Et puis tout le monde ne l'écoute pas. Enfin, puis, ouais, effectivement. Bah, le CD aussi, hein, de plus en plus. Les gens maintenant, il n'y a plus de lecteurs de CD. Ils sont là. Même les ordinateurs maintenant, ils sont vendus. Il n'y a plus de lecteurs de CD. Ouais, ça c'est vraiment différent d'ailleurs. Donc, moi je suis un fervent défenseur du CD. Je trouve ça dommage, même en voiture, un super CD qu'on vient de se trouver dans un coin, on a envie de l'écouter direct, on peut pas, on est obligé de le mettre sur une clé. On est obligé de le numériser sur l'ordinateur. Et même les ordinateurs aujourd'hui qu'on fait, souvent on oublie de mettre un lecteur de CD dedans. Moi, mon portable, il n'y a pas de lecteur de CD. Sur le portable. Je pouvais même graver des trucs comme ça, les premiers disques de Goodbye Watson, j'en ai gravé une vingtaine justement avec mon ordi, quoi. Et puis maintenant, non, il n'y a plus. Voilà. Et ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, juste à côté, on a une salle où il y a des milliers de CD. Donc il y a des étagères de CD. Il y en a énormément. Et c'est vrai que nous, on a tendance à les numériser. Et puis après, on vient avec notre clé USB ou notre disque dur. Moi, je me souviens de l'époque où quand on faisait des soirées, on mettait des caisses avec des vinyles. Moi, j'aime bien. J'en fais encore un peu moins, mais Je sais que tu fais aussi un peu le DJ. Et vinyle. Il faut que ce soit du vieux vinyle, même si ça craque un peu, au contraire. Enfin, c'est vivant, il y a un truc aussi. Mais on revient, le toucher aussi, pour ceux qui touchent les platines, la platine, c'est le disque qu'on met sur la platine, qu'on nettoie, qu'on cale à l'oreille. Et puis, on l'envoie, il y a le petit, on connaît la machine, on sait comment elle va démarrer, il faut s'habituer aux platines et tout ça, c'est pas instantané comme le numérique, c'est clair. Il y a un côté rituel avec le vinyle qui est super, qui met en valeur la musique, c'est-à-dire qu'on fait une action, pour écouter de la musique. On n'appuie pas sur un bouton play, Deezer, machin. Là, on met un vinyle, on le pose, on prend son temps, et c'est une manière plus... Ouais, et puis tu peux avoir des dérapages, quoi. Moi, je me souviens, c'est vrai que j'ai fait parler le DJ, c'est-à-dire qu'au début de la soirée, t'es clean. 5 heures après, t'es un peu moins clean. Donc tu, voilà. tu cales moins bien ton CD ou tu mets un coup de doigt, ça fait et le lendemain tu regardes, oh merde mon vinyle il est... Ah, ouais. Non, c'est un côté vivant enfin. Ouais. Oui, et c'est vrai que c'était une époque où les gens s'en foutaient un peu. Enfin, ouais. Si ça sautait un petit peu, c'est, enfin voilà, ils étaient là pour écouter de la musique, mais pas forcément pour écouter des enchaînements. Mm-hmm. Même si j'essayais d'en faire, mais moi j'ai été ce truc un peu spécialisé. J'aimais enchaîner plein de trucs, B-52s avec les Pogues, enfin toi, et puis derrière peut-être avec un Prince et tout ça. Mm-hmm. Bon, j'essayais que ça colle un petit peu, mais bon, tant pis. Mais les gens, ils dansaient, après... Ah oui, oui, il y avait une autre... Moi, je sais que j'avais connu aussi ça dans les années 80, où je faisais aussi un petit peu la sonorisation avec... on avait une très grosse solo dans la région. Je la citais, c'était Exotic 2000. On avait Exotic 2000, ouais, c'était avec Gilbert qui faisait de la musique antillaise. Et donc il était antillais et puis de temps en temps faisait des soirées de disco et d'accord. C'est moi qui l'animais plus ou moins. Et justement à l'époque, on mettait des disques, on arrivait avec nos boîtes de disques, on en avait pas une centaine, hein, on en avait une cinquantaine et on faisait danser les gens, on mettait disque et puis les gens dansaient. Mmh. Aujourd'hui, il faut chauffer. Il faut chauffer et puis je sais même pas ce que ça donne maintenant. Ouais, ouais, je sais pas. Les discothèques, les machins, je sais pas. Ah, c'est vrai que si le vinyle il y avait l'aspect pochette et pochette intérieure. Oui, il y avait ça aussi. On avait les photos, les paroles des chansons. Ah, les paroles des chansons, il y avait des textes, il y avait toute la liste, celui qui avait repris le son, l'ingénieur, celui qui avait fait le mastering, ça a été fait dans tel studio, tel morceau et tel morceau ont été enregistrés à tel endroit, l'autre il y avait tout le détail dans tel morceau, il y avait un tel bassiste qui avait accompagné le groupe, voilà, il y a eu tel machin truc, ouais on savait tout, hein. Mais maintenant c'est un truc de spécialiste quoi, il y a une fétichisation un peu quoi, du vinyle aussi, c'est l'objet, un beau vinyle, tu vois, c'est comme un CD aussi, un beau CD, je pense que aussi l'objet, il y a la musique qui a dessus, mais je pense que les gens s'ils l'achètent maintenant, et puis même chez toi, pour soutenir le groupe, et puis parce qu'il y a l'objet, ouais. Chez toi, faut que tu te lèves le cul de ton canapé pour changer le disque aussi quand t'es en vinyle, quoi. De la façon, faut le retourner, ouais. Faut le retourner. Ouais. Donc il faut quand même que tu te bouges le cul, tu restes pas dans ton canapé, écouter 3 heures de musique, tu fais rien. Et il y a aussi quelque chose de différent aussi, c'est qu'on écoute sur un vinyle. On écoute un vinyle, l'aiguille va d'un bout à l'autre. Le silence qu'il y a entre deux chansons est toujours le même. Ouais. Qu'en CD, non. Vous pouvez très bien changer l'ordre. Alors que là, non, le silence, vous le connaissez exactement. Quand on a eu l'habitude d'écouter un morceau, un album, on sait exactement le temps qu'il y a entre les deux morceaux. Tu peux faire ta playlist aussi sur la téléphone playlist. Maintenant. Enfin, là, on peut tout faire. Ouais. Tu mets en Bluetooth et tout ça, et tu passes ta playlist que tu as enregistrée sur ton téléphone, tranquille, t'es peinard. Alors que c'est vrai que le pire, c'est les 45 tours. Bah là, des fois, j'en écoute, hein, je me mets avec mon fauteuil devant la platine et... Et à l'époque, on avait le chargeur de 45 tours. Tu pouvais en mettre, tu faisais ta playlist et t'en mettais 5 ou 6 comme ça. Moi, ça niquait. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un morceau qui se terminait, on entendait qui tombait. Et puis, ça niquait un petit peu. Ouais. Après, il y avait un petit espace entre les deux, mais bon, c'était automatique. Les vieux qui parlent. C'est vrai qu'on a connu ça. Moi, je sais que quand j'écoutais beaucoup de vinyle, j'ai toujours une platine vinyle, mais à une époque, moi, je pouvais pas écouter, j'avais toujours deux platines, une table de mixage, parce que pendant le connu, le silence entre les deux, ça m'embêtait un petit peu, donc j'aimais bien passer de l'un à l'autre, etc. Donc, cet après-midi, pareil, je fais toujours mon petit choix, je regarde, ça, j'écoute très bien ça et ça, et puis... voilà. Mais après c'est l'objet aussi. C'est vrai que quand on va en concert, par exemple, on ramène un CD, on demande il y a un CD, on ramène un CD, on est tout content parce que les morceaux qu'on a en streaming, qu'on met dans le disque dur, on les empile, on sait même plus leur nom, on sait même plus quoi que ce soit. Alors que là, finalement, il y a un CD qui traîne dans une étagère, on dit tiens, en fait, c'était pas mal. Et on réécoute. Mm-hmm. Voilà, il est là parce qu'il est physiquement, il est dans notre univers. C'est quelque chose de différent. Mm-hmm. Je suis pas sûr que les gens qui achètent, ils peuvent aussi écouter la musique de leur groupe préféré. Ils les écoutent sur Internet ou tout ça. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche rien parce que maintenant tu écoutes surtout. Enfin bon, il y a des gens. Enfin voilà, moi c'est pareil, ouais, j'ai écouté des trucs en vinyle, puis des fois des CD, puis des fois radio, très radio, moi j'aime bien, je suis à la radio aussi. Ouais, la radio, moi c'est quelque chose que j'allume et que j'écoute, voilà, j'aime bien. Quand je fais quelque chose, par exemple manuel, bah, j'aime bien avoir la radio, par exemple je suis en train de peindre, je suis en train de faire un bricolage, ouais. J'aime bien l'accompagnement de, voilà, c'est... Ouais. Et moi, pas forcément de la musique hein, sur la radio. Hein, ouais, même des gens qui parlent, voilà, tout à fait, ouais. Voilà, tu peux être interpellé. On apprend, on apprend des choses, ah bah, voilà, il y a toujours, ouais, ouais, la radio et. Oh là là, comment on est passé de la vache qui s'engraisse, oh là là, on est passé, oh là là. On va parler maintenant des extraterrestres. Alors, les extraterrestres. Parce qu'une fois, ça me rappelle, c'était très vieux, c'était avec un groupe qui s'appelait Tomia, qui n'existe plus aujourd'hui, et on était venus à parler des extraterrestres, et c'était des passionnés des extraterrestres. Ah, il dit, un jour, il faudra qu'on fasse une émission sur les extraterrestres. Ouais. On l'a jamais fait, finalement. Mais ça aurait été bien, c'est vrai qu'il y a des sujets comme ça qui, il y a des gens qui croient vraiment, il y a des gens qui ont envie vraiment de défendre leur manière de voir les choses. Donc voilà. Donc, apparemment, on est en train de parler de... Il y a une méga conférence, il y a une espèce de secte suisse qui attend l'arrivée des extraterrestres, ils préparent leur arrivée. Apparemment, il y a des milliers de personnes. Bah oui. D'accord. Voilà. Il faut leur dire qu'ils viendront pas, parce que de toute façon, la Terre est tellement pourrie qu'ils ont pas envie de la venir. Ils ont pas envie. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est que ces connards? Ils attendent les extraterrestres, les mecs? Ouais, ils préparent. T'as la date? Ils préparent leur. Il y a une date, il y a un truc? Je sais plus, j'ai vu ça. Tiens, il faudrait peut-être que je fasse un extraterrestre. C'est un peu sectaire, apparemment. Comme ah bon, d'accord. Ah bah, il faudrait peut-être que je fasse un morceau sur les extraterrestres. Un morceau sur les extraterrestres. Ouais, un sur la barbaque et puis un sur les extraterrestres. C'est ça. Et après, il y a aussi des idées. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le début de soucoupes volantes et tout ça. Et les gens, ils pensaient qu'il y aurait des envahisseurs. Finalement, ils veulent pas nous envahir. Ils sont là. Mais ils disent, ils vont se détruire eux-mêmes. On n'a pas besoin de... On viendra les récupérer. Une fois qu'ils auront détruit tout le monde, ils seront détruits entre eux. Nous, on arrivera, on occupera la Terre sans même se battre. Donc, je crois que c'est ça qu'ils attendent. Ouais, simplement. Bah, voilà, peut-être. C'est une théorie. Hein. Ouais, ils vont bien nous manger. Ouais, c'est ça. Et eux ne sont pas véganes. Ils sont pas véganes. Allez, hop là. Ça se trouve, c'est nous qui allons prendre la place des animaux de la place des côtelettes, puis des autres brochettes. Vous regardez trop de films. Ça, c'est peut-être des idées pour les prochaines chansons. Allez, encore une chanson sur la viande humaine mangée par des extraterrestres. Ouais, c'est ça. Non végane. On continue à écouter un petit peu de musique aussi, parce que le temps passe très vite. Et puis. Ah oui, oui, il ne reste plus qu'une demi-heure. Donc, on écoute encore deux morceaux à la suite. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Alors, le prochain, c'est Chou. Comment ça se dit, ça? Ben, j'en sais rien. Chou. Moi, j'ai l'accent anglais. Il vient de Munich. Et alors, ce morceau-là, il vient de Magnity aussi. Ah oui. C'est un ancien morceau de McNulty. Ouais. Très bien, on écoute tout de suite alors. He loved the woman he never knew. saw the friends he never had. He had the bosses he never knew. He saw the fools he never knew. He saw the fools he never knew. The ducking of walking back and forth. How would the light do not even light? Then I can do, I can do. How would the light of animal stars? The never wings and I can sing. How would the light to carry this far? Or listen, please, help me, please. He loved the woman in enemy. He saw the things he never had. He had the bosses they never know. He saw the things he never knew. He loved the woman he never knew. He saw the things he never had. He had the bosses they never know. He saw the things he never knew. He saw the things he never knew. Voilà, on a écouté pas deux morceaux, mais trois à la suite. On a écouté deux Sonic Lag avec It True. Comment vous dites ça? Voilà, tu veux le dire beaucoup mieux que moi. Il thought. It's from. Il pensait. En fait, c'est encore une histoire. Hein, c'est l'histoire d'un lascar qui il a plus de bras, il a plus de jambes, il voit pas. Ah oui, c'est embêtant. Donc il fait qu'une seule chose, que penser. Alors, d'accord. Il rêve qu'il parcourt le monde, mais voilà, il a pas tel, il a faim, voilà. Un petit peu black. C'est sombre. Hein. Le morceau, il est sombre, même dans sa structure, dans la musique, on sent. Enfin, voilà. Donc, c'est encore une histoire, mais un peu. D'accord. Histoire un peu. Ouais, mais bon, tu t'es mis un peu à la place de quelqu'un qui serait comme ça. Et... Voilà. Oui, c'est mais vrai que la vie doit pas être. Ça, c'est parti du truc, c'était un film, c'était Johnny Vatanguerre, je crois, c'était. C'est un film des années 60-70 où c'est un lascar de la première guerre et qui se retrouve dans un lit justement sans jambes, sans bras, et qui est une infirmière. Il peut que la voir. Je crois que c'est Johnny Vatanguerre. Ouais, ça me dit quelque chose ça, mais. Et en anglais, je sais plus. Enfin voilà. Donc voilà, c'est encore une histoire un peu sombre, mais voilà, il y a un truc qui veut dire. Qui malheureusement, certaines personnes vivent, ils ont une vie comme ça. Ça a été un petit peu mon métier pendant 15 ans. J'ai travaillé avec membres du handicap, des polyhandicapés et tout ça, et c'est pas facile. Mais ils, quand ils ont le moral et tout ça, ils sont là. On peut passer des bons moments avec eux aussi. Parce qu'ils développent justement, parce qu'ils ont un manque, ils développent autre chose. Et souvent, ils ont quand même leur place. Et puis après, quand t'es éduqué, tu vois les trucs, les signes, c'est fait autrement, par des clignements des yeux, par les trucs, des sourires. T'apprends aussi à les connaître et à communiquer autrement. Enfin voilà quoi. Stop. D'accord. Sinon je fais des bisous. Je fais des bisous aux brunettes, à mes copines les brunettes. Ouais, qu'on a écouté juste après, parce qu'on a écouté aussi Sonic Lag avec All in My Head. Un trou dans ma tête, c'est ça. Voilà. Encore un truc bien sympathique. Ouais. Et à l'instant, on vient d'écouter donc les brunettes avec Lover Song. Alors ça, c'est un morceau que vous trouvez nulle part. Hein. C'est un morceau qui est enregistré spécialement dans les studios des Chili Dogs pour l'émission Mavrica, donc au moment où ils étaient venus. Donc Lover Song, donc il y aura peut-être une version définitive dès qu'il y aura des enregistrements. Ça doit brancher les filles. Ouais, mais puis avec tous les gens qui tournent autour du frigo, ça va. Ouais, le frigo. Ouais, on parlait tout à l'heure de plusieurs groupes, donc les Chili Dogs, groupe Yeti, voilà. VPC, oui, il y a plein de bons groupes. D'ailleurs, VPC n'est jamais venu dans les studios de radio. Alors quand donc il va falloir les lancer un petit peu. Après, il y en a plein, discute, mais on ne cale jamais de date. Et puis, il y a de quoi faire aussi. Il y a pas mal de groupes déjà qui sont prévus d'ici le mois de mai, mais il y a toujours une place pour les bons artistes. Hein. En tout cas, si vous êtes là ce soir, c'est pas le hasard. Merci. C'est les meilleurs artistes de la région qui sont ici, chez nous, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et même si, pour l'instant, vous passez pas encore dans les grandes radios, les grandes télés, vous êtes pas encore sur Internet, vous êtes déjà sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrica. C'est bien, mais puis nous, pour l'instant, on n'est pas très, très pressé. On a 2-3 concerts de prévus là. Le prochain, ça va être on a le 22 juin, on fait une fête de la musique à Marais. À Marais, ouais. Je sais pas si tu as entendu parler, c'est Titi qui connaît ça. C'est une grosse fête de la musique. D'accord. C'est tout un village, c'est organisé par des jeunes très motivés du comité des fêtes. Et en fait, il y a tout le petit village de Marais dans le 37. Alors pour ceux qui chercheraient, c'est du côté de Château-Renaud. Et c'est vraiment la fête de la musique où je tiens à aller chaque année. Il y a une dizaine de postes. Sur chaque poste, il y a 4 ou 5 groupes. Donc c'est vraiment un endroit où on passe un beau moment. C'est toujours c'est le samedi avant. Là, ça va être le 22. Donc c'est toujours en décalé de la date réelle du 21 juin, ce qui permet de faire la fête de la musique et ensuite Marais. D'accord. Voilà. Très bien. Et il y a un siège qui a besoin d'être greffé. Il y a un pingouin dans le studio. Il y a un animal maltraité dans le studio. Tiens, on va faire une chanson. Et puis on a un autre concert après le 6 juillet, c'est chez les Death Brothers, chez les Bikers. D'accord. Et puis après, on attend pas mal de trucs. Mais peut-être que aussi, il y a des organisateurs de concerts qui écoutent ton émission. Voilà, ils sont intéressés. Ouais. Ah bah ça, franchement, ouais, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup de groupes qui veulent jouer sur Orléans. Alors des fois, il y a des groupes même qui sont un peu plus loin, ils disent on aimerait bien venir sur Orléans, il faudrait tout nous trouver un endroit. Mais c'est pas évident sur Orléans. Il n'y en a pas tant que ça, non. C'est pas évident. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a presque plus à Blois. On parlait quand on a organisé le dernier Mavrika Live, on avait demandé aux gens de voter et aussi au groupe de se proposer ceux qui voulaient jouer dans, et on a eu 40, il a fallu en sélectionner 3 voire 4, c'est ce qu'il y a habituellement dans chaque Mavrika Live. Là il y a le Creekfest qui me disait aussi, c'est pareil, il y a beaucoup de groupes qui veulent jouer aussi. Ouais. Donc voilà, il y a quand même, heureusement qu'il y a des associations comme ça qui font jouer des, il y en a de plus en plus, hein, il y a des listes d'attente. Moi c'est pareil, donc j'ai laissé notre nom. Mais les gens, des fois, alors ils mettent du temps à répondre, mais souvent après, j'en ai deux qui sont excusés. Ouais, mais on a tellement de groupes, enfin, on a tellement de choses. Ouais, mais au moins, la même des choses, c'est s'excuser, voilà, de répondre en disant. De répondre. Parce qu'il y en a certains qui répondent pas. Ah, non, il y en a qui répondent pas. C'est terrible, ça. Il y en a qui répondent pas. Ça, c'est. Waouh, mettez-vous à la place des groupes, hein, souvent les organisateurs. Au moins avoir une réponse, ou alors dire, voilà, non, on fait pas ce style de musique, ou voilà. Mais bon, au moins une réponse. Et puis, après, on accepte, hein, je dis, on accepte, bah, on nous refuse, et puis basta, quoi. C'est pas. Bon. Très bien. Là, je suis en train de regarder les petits commentaires, là, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont intervenus sur le Facebook de l'émission Mavrika. Donc, les petits likes. Donc, on regarde. Attends, je regarde. Quelle personne n'est pas musicien là-dedans? Oui, je crois qu'ils sont tous musiciens. Donc, on va regarder. Donc, Pierre Doranlo, on en a parlé tout à l'heure. Alex Le Bail, qu'on va recevoir très bientôt. Ah, il y a une date de Calais, d'ailleurs, mais je ne l'ai pas marqué. Ah, si, c'est le 3 mai, il viendra ici, Alex Le Bail, David McLean, Jacques Février, on en parlait tout à l'heure des Uncle Bikers, Franck Bellu, donc vous connaissez des Chili Dogs, Hervé Vévouille. Vévouille, le batteur. Le batteur Yeti, VPC. Donc, c'est Mouvoir Prod, c'est un truc de production de Angéline, Anonier, qui est venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Hein. Yavanna, Phil Tanguy, vous connaissez. Ouais, voilà, c'est Rockabilly, ouais. Et Eric Duval, lui c'était un ancien chroniqueur de l'émission Mavrika et qui chante aussi, il chante aussi dans plusieurs groupes. Jamie Sugar, Will Go. Jamie Sugar, c'est une chanteuse, oui. Will, c'est le bassiste de Barricade que vous connaissez l'ancien bien. L'ancien bassiste. L'ancien, oui, il y est plus. Effectivement, il y a une nouvelle formation. Fait du pain, maintenant. Paul qui... Coucou, qui Will, bisous. Qui fait partie de Barricade, Bruno Bauer, Mustapha, qui va venir dans quelques temps. Mousse, hein, les intimes le connaissent sous ce nom-là. Il va venir dans un grand bassiste qui jouait dans le groupe Birmingham, qui maintenant a recomposé un groupe. Il va venir très bientôt pour nous le présenter. Marie-Angèle, c'est la chanteuse de Turn Off, que vous connaissez peut-être, qui fait du ska. Pascal, c'est il fait partie des Uncle Biker, les Yeti, Twister Cover. Donc on a quand même Drive to Amnesia, Prisma. Voilà, on a quand même beaucoup de musiciens. C'est bizarre, hein, c'est bien. C'est étrange. Bon, bah, les gars, les filles, si vous nous trouvez des concerts même pour jouer avec vous, vous nous dites. Ça sert à ça aussi. Il y a eu pas mal de rencontres qui ont été faites grâce à Mavrika, et il y a des groupes qui sont composés aussi grâce à Mavrika, hein, donc ça c'est important aussi. Donc là, je regarde, bonne émission Les Blaisois, donc c'est Will qui nous dit ça. Donc voilà, et aussi Antoine Gauthier, que vous connaissez sûrement. Ah bah bien sûr. Des Red Daff. Donc bonne émission Les Potes, donc voilà, des gens c'est vraiment sympa. De vers chez vous, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est sympa. Et Antoine, ou bien Stéphane aussi, mon collègue. Très bien, donc voilà, on fait un petit coup de tous ces gens. On embrasse tous les gens, c'est bien, merci. Bah, je voulais aussi remercier quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous écoute et qui nous enregistre, c'est lui qui nous fait les podcasts. Ce soir, on aura le podcast, parce que la semaine dernière, on a eu un petit souci. Ouais. Ce soir, on l'aura, donc il l'a bien enregistré, on l'aura en entier. C'est notre ami Florent qui nous écoute et il enregistre toutes les émissions. Et dès que j'aurai le lien, je le partagerai pour que vous puissiez l'écouter, le réécouter, ou même le télécharger pour le concert. On se prévoit une bouffe quelque part. Des fois, ça va vite. Hein, on met ça sur une clé USB. Un jour, vous allez en ville dans un embouteillage et vous y restez pendant 3 heures. Hein. Donc, c'est fini, ce temps-là. C'est fini, ce temps-là. Non, non, pas tant que ça. Enfin, non, mais c'est sympathique. Je sais pas du côté de Blois, mais sur Orléans, il y a des fois, il y a pas mal de bouchons. Et ceux qui sont sur Paris, c'est encore pire. Ah, ouais. Hein. Alors là, c'est terrible. Ouais, non, mais je... ça existe, Paris. Paris. Encore. Ouais, ouais, c'est... c'est un arrondissement d'Orléans. Ah, Paris, c'est la banlieue. C'est la banlieue d'Orléans, Paris. Ouais, Paris, c'est... Et Orléans, c'est la banlieue de Blois. Oui, c'est ça. En fait, Paris, c'est le périph' d'Orléans. C'est le périph' d'Orléans. Très bien. Bah, en tout cas, merci à tous les gens qui nous écoutent. Alors, si vous n'avez pas été sur Facebook et que vous nous écoutez, voilà, tous les gens qui interviennent et ceux qui n'interviennent pas. Et on remercie donc à nouveau notre ami Florent qui va nous proposer très rapidement le lien pour avoir le podcast. Donc, j'ai aussi quelques liens que je partagerai dans les semaines suivantes. C'est des liens pour écouter les émissions précédentes parce qu'il y en a certaines que j'ai dû oublier de poster. Alors, si vous me le demandez, je vous l'envoie. Sinon, je l'ai posté comme ça, vous pourrez y aller. Surtout que la semaine prochaine, nous allons avoir un groupe ici dans les studios qui s'appelle, voilà, je suis en train de rechercher, Chaparville, voilà. Et après, il y aura une petite coupure parce que je serai en vacances. Donc, pendant que je suis en vacances, il faut écouter les podcasts. Donc, merci notre ami Florent. Voilà. On a tout dit. On a parlé des chansons qu'on a diffusées. Ouais. On a parlé des brunettes qui sont nos copines. On a parlé de Yeti, de tous ces groupes-là. Ah oui, on était dans les projets. Donc les concerts. Là, maintenant, c'est annoncé. C'est bon. Vous avez dit toutes les dates là que vous aviez. Ouais, vous en avez encore une. Voilà. Non. Est-ce qu'il y a d'autres projets, des vidéos, tournées américaines? Notre album, il faut qu'on travaille notre enregistrement. C'est ça. C'est vraiment le gros projet de l'avenir, de finaliser nos morceaux, voilà. ce qu'on a pu écouter ce soir, et de peaufiner pour qu'on soit prêt pour faire un scud, quoi, à la limite. Voilà. Ouais, carrément. Ouais. Et nous, on a encore du boulot aussi. On sait que je vais aller chercher pas mal de temps, mais avec des tours, ce qu'on disait, prendre une répète spéciale cœur. D'accord. Ah, les cœurs de l'armée rouge, c'est ça. On y revient. Spécial cœur. Travailler le cœur. Donc voilà. On a du cœur. J'ai mis de la guerre. Ok, donc qui c'est qui fait les cœurs? Tout le monde. On a trois morceaux avec des cœurs seulement. On en a trois. Alors qu'il y en a certains qui mériteraient des cœurs. Enfin, ou des doublages de voix. Enfin, toi, il y a tellement de boulot à faire aussi pour que ça soit plus sympa. Ouais. Donc il y a des idées encore qui trottent. Il y a encore des choses. Ouais, on n'arrête pas, ça bosse. Il y a du boulot. Ça manque pas. Hein. Puis l'objectif, c'est de jouer devant du public à mort. Après, ouais. Voilà. Donc. C'est ça la meilleure récompense après. Le Ring of Fire ou pour comment? Est-ce que le Ring of Fire tu l'avais filé? Ring of Fire de pas la version de Johnny Cash mais d'autre morceau. Non, je l'ai pas encore diffusé là. Ah bon, d'accord. Non, on l'a pas encore diffusé celui-là. Non, mais je pensais est-ce que tu vas le diffuser parce que j'ai dit. Oui, c'est ce que je suis en train de regarder. J'étais en train de regarder qu'il restait 5 minutes. Et ce qu'on va faire, on va dépasser un petit peu parce que j'ai d'autres morceaux sur la platine, donc sur la platine vinyle. Là, je me souviens avec Goodbye Watson, je crois qu'on y était resté 5 heures. Nous sommes à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'émission commence à 19h et finit à 22h. Il faut savoir qu'à une époque, il commençait à 20h30, donc c'était plus une émission de nuit. Et ça finissait. Et elle se terminait quand on n'avait plus rien à dire. Donc, il y a eu des émissions à 4h du matin. On a eu des émissions comme ça. Bon, c'était une autre époque, c'était un peu côté radio libre et tout ça. On regrette pas ces moments-là. Mais là, on se dit, tiens, maintenant on va, 3h, c'est déjà long. Peut-être l'émission la plus longue sur Radio Arc-en-Ciel. Mais quand on a des invités, c'est vrai que 3 heures, c'est pas trop non plus, hein, le temps qu'ils mettent en place. On avait fait des morceaux en live aussi. Voilà. Et après, il y a des morceaux en live. Et le record, de durée, c'était jusqu'à 4h du matin avec les Classic Vibes qui nous avaient fait au moins 40 lives. Parce que, alors les Classic Vibes, ils faisaient des reprises des années 70, etc., en nous les présentant et tout ça. Et une fois qu'ils étaient lancés, ils étaient à deux. Ils nous ont fait des reprises de plein de standards des années 70 en nous les commentant et tout ça. C'était un vrai bonheur. Un concert, privé. Mais finalement qui était diffusé sur la radio et on a passé un moment. C'est eux qui ont le record. Parce qu'à un moment, les gens ils disaient, ah, la dernière mission elle a duré jusqu'à 3 heures, on va faire 3 heures et quart. Ah ben nous, on va faire 4 heures, 3 heures et demie. Et nous, et ainsi de suite. Et on s'est dit, bon, 4 heures, on arrête, parce que sinon, sinon on pourrait continuer. Mais bon, quand on est passionné, quand on aime la musique, on... voilà, il y a des moments comme ça qu'on aime prolonger. C'est ça. Alors, comme je te disais, on n'est pas bavard non plus. Et en plus, le pire, c'est que nous, on va rendre l'antenne tout à l'heure et on va continuer à discuter encore un petit peu parce que voilà, quand on est bien ensemble, on a plein de choses à dire, on a la même passion. Voilà. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Ça m'est déjà arrivé de terminer à 10 heures et à 2 heures du matin, être encore en train de discuter avec les gars. Hein, ça m'arrive de temps en temps. Bon, après, on peut pas faire ça tous les jours parce que après, moi quand j'étais jeune, je le faisais plus. Maintenant, il faut quand même récupérer derrière. Et puis on est de là, mais nous, c'est pareil. On voit au bout de 4 heures de répète, des fois, le vendredi soir, t'as la semaine dans. Enfin bon, moi je suis retraité en même temps, ça n'a rien à foutre. Ça nous tire sur les pattes quand même, hein. Des fois ça tire. Ça picote. Ça toi, c'est ce qui est bien dans le groupe, c'est multigénérationnel aussi. Ah bah chez nous, ouais. Il faut dire que c'est vrai qu'on est. Ça c'est super, ouais. Pour ceux qui ne nous voient pas, on va faire quelques photos, je pense. On va faire des photos comme d'habitude. Et donc, vous verrez qu'on a des gamins avec nous. Mais ça, j'ai toujours ça trouvé formidable parce que justement, on dit voilà. Moi, ce que je reproche un petit peu, c'est quand je vais souvent à des concerts, et quand je vais au concert, je vois que la moyenne d'âge, eh ben, ils est au-dessus de 50 ans, et ce qui est un petit peu dommage, parce que le rock'n'roll, c'est, ça, y a pas d'âge pour aimer ça. Et quand je vois des jeunes qui sont là, je suis content. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Le rock'n'roll, c'est devenu une musique, nous, à l'époque, c'était une musique de révolte. Le rock'n'roll, c'était nouveau. Aujourd'hui, c'est devenu, on parle de rock classique. Le rock classique, c'est devenu quelque chose de... Donc, c'est pour tout le monde. Il y a pas d'âge pour aimer le rock and roll. Voilà. Là, on s'était un petit peu charrié parce que là, il va y avoir un nouveau groupe. Je ne sais pas ce qu'on dit. Ça va s'appeler les Sexys Gambas. D'accord. Et c'est que des vieux. Je suis pointeux parce qu'il y a donc il y a Bolt, ça va être le plus jeune. Il y a Brendan, il y a Bébert à la batterie et il y a comment il s'appelle le luthier Dac, Mike Dacosta. Et donc eux, ça a fait une moyenne de et Brendan et je leur avais dit mais les gars ouais vous êtes sexy mais vous êtes un petit peu vieux mais enfin vous avez voilà. Et Brenda, ouais, tu sais de quoi tu parles. Bah oui. Ouais. Et nous, on a une moyenne d'âge avec les gamins. Nous, voilà, la moyenne d'âge, c'est 47 ans. Voilà. Mais ce qu'il faut... Tu fais le calcul, ouais. Ce qu'il 47 faut... ans. C'est ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand vous montez sur scène, vous avez tous 20 ans. C'est ça. En fait, tout le monde se retrouve. Ouais, j'aimerais bien avoir encore 20 ans, il y a des fois. On l'a toujours dans la tête. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Mais des fois, le physique nous. Ouais. Ouais. Non. Et après, bon, il y a des gens qui sont jeunes qui sont vieux très jeunes, hein. Il y a des jeunes qui pensent comme des vieux, et inversement, il y a des vieux qui sont encore adolescents et... Ah, moi, toujours, hein. Ouais. Je crois que je me suis arrêté vers 24-25 ans. Et depuis, non, plus rien. Maintenant, c'est le corps qui, enfin, voilà, c'est ça. Très bien. On écoute donc encore un petit peu de musique parce qu'on va essayer de rattraper un petit peu de temps au niveau de la musique. Et après, on dépassera quelques minutes ce soir. Il n'y a pas de souci puisque de toute façon, après, on n'a rien à faire. La discothèque n'ouvre qu'à 2h du matin. Donc, on a le temps d'aller là-haut juste après. Donc, on va écouter un morceau qui s'appelle Ring. Ring of Fire. Ah ouais, parce que là, il y a écrit juste Ring, mais ouais, c'est Ring of Fire. C'est le morceau dont on parle. Donc, c'est celui-là. Donc, le morceau que Johnny Cash a repris, et ce qui est un morceau de sa femme, en fait. Et, voilà. Et Ring of Fire, et on a été influencé, comme on disait tout à l'heure, par Social Distortion. Voilà. D'accord. Social Distortion. C'est avec l'accent portugais, là, que vous parlez. Exactement. Oui, c'est ça. On a voulu faire un petit clin d'œil. Donc, c'est Judy Carter, au départ, un mec du mort, qui l'a interprété en premier, ça doit être en 56 ou 58, et puis après, effectivement, ça a été popularisé, et puis magnifié par Johnny Cash. Un de mes chouchous, Johnny Cash, c'est un grand monsieur. Très bien. Bah, c'est parti, alors.

vrai que 3 heures, ça passe très vite. On aurait dû déjà terminer l'émission. On prend un petit peu le loisir de faire prolonger un petit peu parce qu'on avait encore des morceaux à écouter. Il nous en reste encore un autre qui est un instrumental qu'on gardera un peu jusque pour la fin, qui s'appelle Not Too Late. Donc c'est pas trop tard. Donc c'est pour ça. En même temps, non, c'est pas celui-là. Tu veux pas le passer? C'est celui qui est en gestation là, en ce moment. D'accord. Donc celui-là on le passe pas alors. Oh non. On n'est pas sûr du résultat final encore. D'accord. Voilà. À découvrir plus tard. Voilà. Ouais. Ok. Donc pour la prochaine fois vous viendrez. Cette fois-ci vous nous le présenterez donc en version finie. Donc celui-là on le diffuse pas. Voilà. donc du coup moi j'ai calé le morceau et puis j'ai rien de calé pour la fin de l'émission. Ah bah c'est dommage. C'est dommage. On va devoir chanter une chanson nous-mêmes. Hein. Voilà. On aurait pu faire les voix en direct sur le instrumental. Non, on sait pas. Non, c'est vrai que celui-là il n'est pas encore fini. Non. Très bien. Bon, voilà, j'avais prévu. En direct. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Comme ça, du coup, l'émission va être plus courte. Parce qu'on n'écoutera pas le morceau. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on arrive à la fin de cette émission. C'est l'émission numéro 588. Ouais. Et donc, à cette occasion, nous recevons le groupe Sonic Lag. Et voilà, il y a Titi, Matt, Alex et Christian qui sont présents dans les studios. Ils sont venus dans l'intégralité. Parce que des fois, il y a le groupe, ils ne peuvent pas tous venir. Ouais, il manque un ou deux. Là, vous êtes tous là et ça fait vraiment plaisir de découvrir le groupe. Et puis on a écouté plein de morceaux. Alors il y a des morceaux que j'avais déjà diffusés, que je connaissais déjà, et il y en a d'autres j'ai découvert et franchement ça envoie bien. Donc j'ai hâte de vous voir sur scène, interpréter vos morceaux sur une scène avec les lumières, avec le son, avec les odeurs, avec tout ça. J'attends 2-3 réponses sur Orléans et puis je te le dis avec Très bien. Donc en plus, si vous êtes en rapport avec d'autres musiciens de la région, avec les gars, les filles du frigo, c'est vrai qu'on se voit souvent. Ils viennent souvent. Je sais que je vais les voir demain soir à la Maison Bégaud. C'était la semaine des L, c'était la semaine féminine. Donc il y a deux groupes à la Maison Bégaud. Et en général, il y a pas mal de gens du frigo qui se déplacent. Très bien. Voilà. Très bien. Cet échange comme ça. C'est bien de le dire. Orléans et Blois, c'est ouais, parce que Blois c'est juste à côté, hein. Donc. Puis par l'autoroute, c'est vrai. Ça va très vite. Hein. Et c'est vrai que il y a Blois, il y a Tours même, que dans la même direction, on peut aller un peu plus loin. Et donc. J'ai moins de rapport avec les gens de Tours. Ah ouais. J'ai 2-3 potes seulement, mais c'est vrai. J'entends plus parler des concerts sur Orléans que sur Tours. D'accord. Sur Tours. Parce qu'il y a beaucoup de groupes sur Orléans, sur Tours, et il y a beaucoup de gens qui viennent de là-bas. Hein. Voilà, Tours, c'est vrai que c'est. T'as dû recevoir il n'y a pas longtemps, là, c'est une copine qui chante aussi, qui s'appelle PLS. PLS, oui, tout à fait. Aurélie, et c'est vrai, je regardais tout à l'heure, je dis, il y a Aurélie, je placerais bien un petit morceau de PLS, de Neutol. Neutol, on voit bien, franchement, c'est un groupe. Un petit moment, à un moment, je passais assez régulièrement. Là, pour l'instant, j'ai un petit peu mis de côté, parce que forcément, c'est priorité aussi aux artistes qui sont là dans les studios. Donc, je passe les nouveautés, je passe les groupes qui sont passés, je passe les groupes qui vont venir. Après, ceux-là, donc, ça fait déjà un petit moment. Mais quand j'ai un peu de temps, je passerai avec beaucoup de plaisir, en tout cas, des morceaux de PLS, de Neutol, etc. Donc, il y a plein de bons groupes comme ça que j'ai découvert grâce à l'émission Mavrika. Et parmi ceux que je vais recevoir très bientôt, il y en a certains que je connais, hein, donc ça va pas être une découverte. Il y en a d'autres ça va être vraiment une découverte. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent ici, je les connais pas. Et je vais poser les questions justement en posant les questions, moi je vais les découvrir, mais je vais le faire aussi découvrir à tous les auditeurs. Et ça c'est le but. Donc je me suis dit, je vais pas trop réviser, je vais pas trop aller regarder ce qu'ils font, parce que je vais le voir en direct. Et puis voilà, ça sera pas. En direct, au bout d'un quart d'heure, dégage. La porte, c'est la porte. Donc, et des fois. Non, ça se passe toujours bien, hein, franchement. La plupart des artistes, moi j'ai vu, j'ai vu par exemple des artistes venir ici en disant, tiens, on va faire une bonne émission parce que c'est un des groupes qui tourne bien et tout ça. Et finalement, l'émission, c'était pas tout à fait ça. Et inversement, des fois je me dis, ouais, c'est les petits jeunes, ça va être un petit peu juste, ça va être un peu limite. Et finalement, si, ils défendent bien leur truc et puis on fait des bonnes émissions. Donc après, il y en a pour tous les goûts, hein, et puis tous les niveaux, parce que forcément, on n'a pas que des professionnels qui viennent ici. On en a certains qui font de la musique. Il y a beaucoup, certainement plus d'amateurs plus d'amateurs que de professionnels. Il y a beaucoup d'amateurs. Il y a ceux qui font même pratiquement pas de concerts, ils en font un ou deux par an, simplement ils aiment la musique. Il y en a d'autres qui tournent un peu plus, il y en a d'autres qui vivotent avec, parce qu'ils ont des associations, et donc ils arrivent à gagner un petit peu d'argent, etc., des semi-professionnels, et puis après il y a vraiment des professionnels qui vivent que de ça. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses différentes, et ça me fait plaisir d'avoir des gens de tous les niveaux. À partir du moment où ils le font avec leur cœur, bah, ça peut être que bien fait. Voilà, donc c'est ça le plus important. Parce qu'il y a des professionnels où des fois, il y en a certains qui sont professionnels, mais bon, après, c'est pas forcément mieux fait que certains amateurs avec un grand A. Voilà. C'est ça. Donc, justement, la semaine prochaine, on reçoit Chaparville, ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est une découverte pour moi, donc je vais découvrir. Je connais le guitariste qui était au dernier Maverick Alive et qui jouait dans le groupe Melody, Melody Road. Et là, cette fois-ci, il viendra avec son autre groupe qui s'appelle Chaparville. Donc, on était entré en contact et là, ils viennent dans les studios. On va recevoir le 19 avril le groupe Dérapade, le 26 avril le groupe Jache, qui a participé déjà à un Maverick Alive il y a pas mal de temps. À un moment, ils étaient en stand-by, ils reviennent, donc je suis content de les accueillir à nouveau. Je crois qu'ils sont déjà venus deux fois dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Alex Lebail, bon, ça fait déjà plusieurs fois qu'il vient, mais on est content de le recevoir parce que c'est un gars qui est super, et en plus à chaque fois il nous fait des petits lives et tout ça, on passe un très bon moment avec lui. On va recevoir aussi, tiens, on parlait de professionnels, Lajari, qui viendra le 17 mai, sachant qu'ils seront aussi en tête d'affiche du Rock in Rebrèche le samedi d'après. Donc ils n'ont pas pu venir la veille parce que c'était déjà pris, mais donc ils viendront une semaine avant, et la semaine d'après ils seront donc au Rock in Rebrèche avec d'autres artistes. Et d'ailleurs j'ai appris que entre les différents artistes, il y aura le groupe Prisma qui va être là. Donc voilà, le monde est petit. Je les vois, ils tournent pas mal, ils font pas le concert Prisma. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, il faut le voir sur scène, ça on voit bien. J'aime bien ce côté. Le chanteur, c'est un ancien aussi. Hein. Oui, c'est Philippe, Sam Filippo qui a une voix et qui. C'est un chanteur. Je lui fais un petit coucou aussi. On lui fait un petit coucou à. Toute la bande, hein, voilà. Et puis après, on recevra le 24 mai. Donc c'est un vendredi, donc c'est le 25 le Rock in Rebrèche. Donc le 24 mai, ça sera BRS Band. Donc une découverte aussi pour moi, c'est la première fois qu'ils m'ont contacté. On s'est dit, on se cale une date, j'ai regardé un peu ce qu'ils font. Et ben, ils viendront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, et puis il y en a d'autres qui vont se greffer au fur et à mesure, parce que c'est bien d'avoir un petit peu d'avance, mais il faut pas en avoir de trop, mais il faut pas en avoir pas assez non plus. Donc voilà, il peut se passer n'importe quoi. Ça s'est déjà arrivé quand il y a eu le Covid, j'avais presque 6 mois d'avance, et tout d'un coup, il a fallu dire à tout le monde, on arrête. On fait pas. Voilà. Donc voilà pour les prochaines dates. Et on va dire les phrases magiques. À la fin de chaque émission, on dit toujours trois phrases magiques minimum. Hein. Que le rock'n'roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright. Voilà, en anglais. Donc ça c'est les phrases. On les a retenues dès le début. On a commencé à les dire et puis on les retient. Et de temps en temps, on en rajoute quelques autres qui nous viennent en tête comme ça. Et vous êtes à la radio. Il reste quelques minutes. Si vous avez envie de faire un petit coucou à quelqu'un, un petit message particulier aux auditeurs. Vous avez Et ben merci à tous ceux qui ont écouté déjà. Les familles, les potes, Famille, les amis, tous ceux qui nous soutiennent. Ouais, puis ceux qui nous connaissent pas, un petit coucou aussi, maintenant ils nous connaissent, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est le but de l'émission en même temps. Comme ça, les gens, ils disent, tiens, vous connaissez pas ce groupe-là, maintenant, ça me dit quelque chose, et la prochaine fois qu'ils vous verront sur une affiche, il faut aller au concert, il faut aller voir les artistes sur scène. Ça, c'est important, parce que les enregistrements, la radio et tout ça, c'est bien pour découvrir, mais il faut aller les voir vraiment dans leur élément, donc la scène avec les lumières, le son, le vrai son avec qui envoie des watts, et puis... les odeurs et tout ça, on va dire. Vraiment, vivre le rock'n'roll. Vivre le rock'n'roll. Il n'y a pas d'odeur. Non, on parle pas de vous, on parle de... De temps en temps, il y en a une petite, mais c'est pas méchant. C'est ça. Un peu l'anglais. Sinon, Albino, merci. Merci à vous, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Bon, l'émission va se terminer, on va rendre l'antenne. Nous, derrière, on va prendre des photos, et puis on va continuer de discuter, et puis voilà. voilà. Les bons moments, c'est super. Comme ça, on aime bien les faire durer un peu plus longtemps. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu de Blois. Merci pour l'accueil. C'est vraiment sympa. De nous avoir diffusé, c'était super. Et ça sera pas la dernière fois, parce que vos morceaux, ils sont dans mon ordinateur. Et la semaine prochaine, je diffuserai forcément un de vos morceaux. Super. Je vois que toutes les semaines, il y a un de nos morceaux qui est dans ta playlist. Ouais, j'essaie de voir un petit peu. Parce que, justement, j'entretiens aussi les relations avec des artistes. Et dans la semaine, je reçois trois. C'est pour ça que quand je prends l'antenne, je en profite, pendant que je m'installe, de diffuser les nouveautés, les morceaux que les gens m'ont envoyés dernièrement, et c'est cela que je mets en valeur, puisque c'est des exclus, c'est des morceaux souvent qui sont pas encore sortis et qu'on diffuse dans l'émission Mavericka. Exclus de chez exclus. C'est clair. Voilà, donc il faut aller au concert, aller voir les artistes, c'est le plus important. Venez dans vos salles, que les salles programment aussi, voilà. Faut faire bouger ça, faut faire bouger le live, rien de mieux. Voilà. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. Yes. Vous faites partie de la Mavericka Family, vous revenez quand vous voulez. On se recontacte d'ici quelques temps, dès qu'il y a de l'actualité. Yes. Ouais. Et vous revenez passer un petit moment. On reviendra peut-être avec un objet entre les mains. D'accord. Voilà. Alors moi, je disais tout à l'heure, justement, j'ai toute une collection de vinyles qui sont dédicacés et tout ça. Donc souvent, je les numérise. Et puis je les range pour pas les abîmer. Ça sera peut-être pas un vinyle. Mais je parle des vinyles ou des CD. J'ai aussi toute une collection de CD. Souvent ils sont dédicacés. Donc c'est un petit peu mon trophée. Après je les numérise pour pouvoir les diffuser plus facilement, les transporter, etc. Donc des fois, par exemple, on parlait de Mean Circle. Hop, je cherche Mean Circle. Il est là parce que je l'ai. Si j'avais dû amener tous les CD, ça aurait été un peu plus compliqué pour moi. Voilà. Donc on va dire une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Et encore merci. Donc, pour une prochaine émission Mavericka, même endroit, même heure, 19h, 22h. Et nous recevrons à cette occasion le groupe Chaparville. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Salut. À bientôt. Ciao, au revoir. Plaisir. On est au courant.

lugar para sofrer, mais um pouco é bom saber, sofrer um pouco para amar. E depois olhar nos olhos para dizer o jeito que não se quer perder, de vista quem não se quer largar. Eu não te vou largar. Eu não te vou largar. E depois olhar nos olhos para dizer o jeito que não se quer perder, de vista quem não se quer largar. Eu não te Amar para sofrer, Marco Rodrigues, antes de seguirmos para a cidade mais alta de Portugal, acima dos 1000 metros de altitude. Vamos até à Guarda. Agora parece que foi num passado sem fim, mas nesse tempo havia um passado ainda mais remoto. Calcula-se que terá sido em finais do século XIII ou em princípios do século XIV que os canteiros ergueram as muralhas à volta da cidade da Guarda. As assinaturas cinzeladas nas pedras eram uma forma de identificar o trabalho de cada um e assim receberem o seu pagamento. Hoje, esses símbolos esculpidos no granito mostram que, por trás desta obra, havia gente concreta. Um passado de séculos desumaniza, cria desconhecimento, retira nitidez. Mas aquelas pequenas linhas revelam vida cotidiana, pessoas como nós. São pedras enormes de granito, silhares. Conforta saber que os trabalhadores eram pagos por carregá-las, dar-lhes forma, integrá-las nesta construção. A Torre dos Ferreiros está assente sobre a porta que resta dos principais acessos ao núcleo da cidade medieval. Hoje exibe um nicho dedicado ao Nosso Senhor dos Aflitos, século XVIII. Uma modernice para os canteiros que levantaram esta edificação, um elemento já com interesse histórico para nós. Também as escadas são feitas desse mesmo granito que atravessa o tempo. Depois de subi-las, somos recompensados com céu, telhados e distância. Estes antigos limites da Guarda ficam agora